Bon. Bon. Une chip au steak, grosse ça sent bien. Grosse impression sur les chips au steak. On a des chips au steak? Ben oui, c'est le premier sac à gauche. Oh! Ben en fait, la table a été testée depuis ce temps-là, je peux plus m'en passer. C'est du steak de dinosaure. C'est du steak de dinosaure. Bolac. C'est les Doritos bleus. Doritos à saveur de bleu. Et les Doritos noirs. Simonac. On a quand même un arc-en-ciel de Doritos. Ben ouais. On est gâtés, ça arrive. C'est quel, les noirs? Ah, le sac. Il y en a un que c'est fromage, nacho, zeste, cheese, fromage mordant, piment infernal, puis grilled steak. Mais elle, la chip est vraiment bleue. Vraiment dégueulasse, grilled steak. Là. On va pas se cacher. Elle est bleue, vraiment, la chip. Là, pas celle-là. Le sac est noir, mais la chip est... On va faire une courte en lien avec le sac bleu. C'est que quand on est rentré à l'épicerie, on a dépensé sans compter. Yes. Bonjour messieurs, sir. Bonjour mesdames. Fait que je suis sur le cuir pour podcaster avec vous ce soir. J'ai des shorts, ça paraît juste pas, il y a une table. Fait que, c'est vrai. C'est cela. T'es tout nu. Exact. Fait que on start. Y'a-tu starté le show? Ben je sais pas, là on est live, ils nous voient. OK. On avait dit écart, fait qu'il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. Première show. Question pendant le pre-show, guys. OK. OK, ouais. Première question, on la répond. Le premier qui pose une question, on répond. Tabarnouche. Ça peut être long, c'est pas des longs silences. Tout en même temps aussi. Tout en même temps. C'est que là, on remplit le vide pendant le délai. Il y a des petits cœurs qui arrivent. Okay. C'est bon, c'est de l'amour, un peu d'amour. De l'amour. C'est le fun de l'amour. Ça, c'est des. On aime ça. C'est des cœurs de Enter the Gungeon. Pour ceux qui se poseraient la question, ça, c'est Milter. Nice. Parce qu'on le voit pas avec son micro, là, mais. Ben là, okay. Tu me voyais quand même. T'es pas payé. As-tu des cheveux sur ton chapeau? Guillaume, t'es modérateur. T'es modérateur. On a Guillaume avec nous autres ici dans la salle à côté qui modère, qui va être avec vous sur le chat tout au long de la soirée. Il l'a acheté où? Son chapeau? Oui. Tu l'as acheté où ton chapeau, Milter? C'est quelqu'un qui me l'a mis sur la tête tantôt. C'est même pas à moi. Ça appartient à André. Fait que d'après moi, André, on va dire les contacts. On va dire les internets, maintenant. Ouais, c'est ça. André, pour les gens qui ne savent pas, actuellement travaille pour Shigeru Miyamoto, c'est son serveur. C'est un cadeau qu'il a reçu justement après qu'il ait été servi, justement le cadeau de fête et la fête entière de ses arrière-petits-fils, si je ne me trompe pas, à Kyoto, là, ben exact. Là, 2 ans. Fred, c'est mon traducteur. Dis donc, notre phrase. Tout ce qui se comme qu'on peut voir, il peut le faire très bien. Puis, par honneur, après avoir tellement pris soin du party de fête qu'il a fait dans un beau jardin dans un petit village au Kyoto, Miyamoto a donné la casquette qui est en fait signée par Shigeru Miyamoto. En plus, je, non, ouais, c'est long, on voit très bien. Je n'aurais pu dire mieux. Ben oui. Colin, à toute une histoire, cette calotte-là, finalement. Ça a pas de sens, finalement. C'est la vraie, en plus. La meilleure, je pense, c'est la chatte que j'ai échappée dans la bol, par exemple, par un party bien arrosé. Mais... Oui, c'est vrai. Ben c'est comme ça que tu l'as sorti puis tu l'as juste pitché. Ben oui. Tu savais pas pourquoi. Après ça, la toilette, c'est même courir après. Parce que... Mais c'est parce qu'elle est tellement grosse que ça peut faire office de cuvette, ça, là. C'est un beau réceptacle. Ça contient beaucoup. Oui, c'est ça. C'était en camping, là. Pour l'avoir testé personnellement. Ouais, c'est pas du confirme. Ouais. Ça garde au chaud après. 8h15, bientôt. Bon, là, on a-tu une vraie question à part la casquette? Y a-tu de quoi que. Pourquoi invalider la crédibilité de la question au demain? Non, non, je l'invalide c'était pas. C'était pas une fausse c'est une question. C'est correct, mais c'est pas par rapport au E3. Milter goûte à toutes les nouvelles sortes de Kraft Dinner. Ouais. Oui. Attends, oui. Y a-tu des nouvelles sortes de Kraft Dinner? T'as la cote, mon cher? Y a-tu. Plein de nouvelles sortes que je suis pas au courant. Ouais, c'est ça, il y a comme une nouvelle qu'on a manqué. Genre, il y a la version, comment on l'appelle, la version délavée. La version nos compliments. Ouais. Je connais toutes les versions existantes, la crémeuse, les spirales. Moi, j'anticipe de quoi, à chaque fois que Fred parle, il y a comme une wave. Il y a comme un spike. Fred, écoute, je peux aussi me tenir loin du micro. En fait, je m'excuse déjà au tympan de ma mère qui nous écoute. Là, je me sens mal. Non, c'est correct. C'est bon, ça. On s'entend que... Ah, c'est pas pire. Je regarde ça sur le micro, puis ça va bien. Alors, on est capable de m'entendre rire. On dit que c'est pas très fort. C'est pas très fort. OK, attends un peu. On va t'ajuster ça. J'ai essayé de monter le volume chez toi. C'est pas si pire, là. C'est pas si pire que ça. Bien, je vais te mettre ça. Non, mais moi, en fait, gars, je vais prendre la gorgée de bière, comme j'avais, de drink, comme j'avais dit à la première personne qui dit que le son est weird. Ah, écoute, ça pour ça toi, serait pas un podcast québécois c'est, gratuit c'est, sur internet si la qualité du son n'était pas douteuse. Mais c'est Baroque Larouche qui a demandé de booster le volume. S'il y a un gars qui connaît ça, son ça, volume, son son, ouais, c'est lui. Fait qu'il faudrait l'écouter. Non, le booster un peu par exemple, là, je pique dans le jaune de mon côté, donc techniquement. Il y a du monde qui connaît ça. Ça hausse, c'est en calvaire ce soir. J'ai jamais vu le line-up plein de même. Travolta se fait aller. Oh, Johnny Tabard. Non, OK. De qui, vous? Est-ce que la porte de table donne sur une autre dimension? Oh. Oui, mes chats. Oui. La dimension du cuir. Petit warning, il y a des très bonnes chances après le show, après qu'on enregistre le show, qu'on pense qu'il va être le show. Ça se peut que ça soit lousse pour un bout de temps après. Le show. Ça risque d'être intéressant. Nous autres, on n'a pas de bombe nucléaire, par contre, mais on va figurer de quoi. Quoi? Ça va bien aller. What? Ça va bien aller. Mais non, mais justement, moi, je pensais qu'on vieillit ça, on est assez écœuré d'exploser. C'est ça. C'est rough, on manque de Rad X à la maison. Ouais. Hey, là, on. Il était corps, man. Je pense qu'on n'a pas le choix de passer par ce moment malaisant qui est tenter de faire une introduction de show, synchroniser toute la gang ensemble. Fait qu'on va donner un petit silence, puis on va faire un début par la suite. Silence. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial de. Geek Collectif et Rétro Nouveau pour le E3 2018. J'espère que ça va bien, les gars. Ouais, ça va bien. C'est bien, Noël est passé. Ouais, Noël est passé, mais ça. Ça dépend si tu te fies à la chronologie des épisodes du collectif. On est encore en plein dedans, nous autres. C'est vraiment. Hey, guys, comment ça va? Ah, ça va très bien. Ça pourrait pas aller mieux. Ouais. Accompagné ce soir de Bruno Georget. Oui. Bruno, de Rétro Nouveau. De Rétro Nouveau. Vous êtes rendu pas mal d'épisodes, pas mal de contenu, pas mal de followers. On ça est va rendu, bien, vous autres, on est rendu loin. Là, on est quasiment rendu à 150 épisodes. Ouais, c'est quand même pas pire. Là. C'est quasiment autant que le petit bonheur. C'est quasiment autant que le petit bonheur. Hein. En deux mois. On a commencé après nous. Ouais, c'est ça. Le benchmark est haut. Lui, il en fait genre tous les jours, il me semble. Ouais. Ben, il fait des runs de 5 épisodes, une shot à la fois, mais Chuck, c'est une estime machine. Tu viens de briser son secret, man. Puis là, d'habitude, la tradition, c'est quand on dit accompagné de, ben là, tu peux relancer la balle à quelqu'un autour de la table. Oui, exactement. Fait que je suis accompagné de... De Fred Gémus de Rétro Nouveau. Ben oui. Mais team vous, Rétro Nouveau du côté droit. Du fin de Rétro Nouveau. Côté micro qui pique. qui pique, ouais. C'est, j'en ai perdu mon anglais. Puis on voulait dire aussi que ce soir, des absents, il y a Nick qui est pas là parce que Nick doit être avec les kids... tenir le fort, c'est très important, donc il ne pouvait pas venir ici ce soir. Puis il y a Dominique Bourret aussi, a.k.a. Papa Cassette, qui ne peut pas être des nôtres, tout simplement à cause que le E3, c'est comme c'est pas de son époque. C'est pas de son calibre. C'est pas de son calibre, GF n'est pas avec nous. Mais à ce soir, ce qui est le fun, c'est que j'ai recueilli leurs impressions du E3, fait que c'est comme s'ils vont être avec nous autres en quelque sorte. Mais c'est pas grave, parce qu'à soir, on est accompagné aussi de André Paquette, humble animateur du Geek Collectif depuis maintenant, calvaire, ça va faire 6 ans. Hey, je me rappelle d'un certain barbecue de podcast, là, quand même assez longtemps, dans le cours à Dom. Puis depuis ce temps-là, ben, ça a l'air qu'on est encore là, on c'est s'apprête, on va l'annoncer ce soir, mais vous allez le vivre sous peu bientôt aussi, mais... Ben, on recommence à podcaster beaucoup plus sérieusement. On était à Valleyfield la semaine passée pour un épisode. La semaine passée ou la deux semaines? Je sais pas, c'est Valleyfield. C'est la semaine passée. Donc, c'est la tournée canadienne qui commence. Exactement, la tournée canadienne qui débutait à Valleyfield et qui se termine aussi le 25 juin. On va être au Minifest aussi également. C'est quand même cool. On va aller au café Les Oubliettes, si je ne me trompe pas, avec Jérémy pour le podcast Moi. Okay. Grosso modo, on recommence à faire du podcasting. On est par défaut dans la relève de l'humour du Québec. C'est ça. On s'est fait inviter au Minifest, fait qu'on est des humoristes de la relève, j'en conviens. Yes! Un deuxième paycheck. Exact. Chris, un gros 20-50 puis une Ces Doritos-là vont être payés à moitié. Là. Accompagné également de Jonathan Milter, là tu viens de me faire rendre compte qu'après notre show au Minifest, je peux changer ma job sur Facebook pour humoriste. Ah oui, de la relève. Ouais. Hey, moi, je pense que tu pourrais être multiclassé humoriste. Tu sais, genre, tu gardes ta job pareil, mais ouais, tu la voles up moins vite dans les deux bars, par exemple. C'est ça, exact. C'est comme... On s'entend que déjà quand... Non, je ferai pas cette joke-là, finalement. Non. Trop tôt. Fait que on est accompagné aussi de... Éric Hébert. Ouh. Bonjour, ça va bien? Moi, je suis bien content ici. Le E3, c'est une des affaires les plus hallucinantes de ma vie à chaque année. Non, mais c'est même pas une blague. Depuis que je suis tout jeune, depuis que c'était même le CES, c'est une affaire qui me fait triper du fond de mon cœur. Je dois toujours me rappeler de lire des EGM, des Game Pro, 2 mois après le CES. Ah oui. Rempli de nouvelles de c'était fou. Hot, ça. C'était écrit. Là. Man, c'était écrit. Fallait que tu aies fait des recherches. Puis comme on avait mentionné tantôt un peu, si je voulais faire des guerres ou parler de s'abstiner sur nos passions de jeux vidéo, fallait que t'aies je au pouvais parc. Pas le faire en ligne. Non, mais j'allais pas au parc. Moi, j'avais hacké. J'allais direct dans un EB Game. Fallait faire un Minitel. J'allais direct dans un Microplay. Puis j'allais comme un petit cul de 14 ans m'obstiner avec le gars de 22 ans qui voulait juste que je décalisse. T'allais pas chez le bureau en gros pour essayer d'utiliser l'internet du magasin puis t'as fait un petit password Radio Shack, André, quand même. Quel âge tu penses que j'ai, 28? Tu me fais penser, quand j'étais jeune, un moment donné, après un E3, il y avait un magasin qui s'appelait La Clé de Sol dans le temps, proche de chez nous. Ça, puis il y avait des jeux vidéo, parce que c'était comme un clip vidéo en même temps, ils vendaient des stéréos en bas. Puis après un E3, un moment donné, j'étais arrivé là-bas. Puis, je me souviens plus c'était quoi les autres affaires, mais je me souviens qu'il y avait un vieux bonhomme. Moi, j'avais quoi? On était encore dans l'intro, gars. 14 ans, 15 ans, peut-être? Oui. Ou de quoi, en tout cas. Il avait présenté que le Dreamcast s'en venait. OK. Puis, lui, là, il était au comptoir. Non, je sais pas. J'ai pas dit 93. J'ai pas dit. J'ai pas dit 93. J'ai dit j'avais peut-être 14, 15 ans. Mais je devrais avoir 16 à peu près quand ils l'ont annoncé, ça veut dire. Mais le gars, il était au comptoir, puis lui, il avait vraiment comme 40 ans, là. Puis, il s'ostinait, mais il parlait un peu de façon très convaincue et arrogante, genre, envers le vendeur, que ça serait la plus haute affaire qu'il n'y aurait pas au monde, genre, ça va démoler Nintendo. C'est triste, pareil, parce qu'il y avait parce raison que Nintendo, et tort à la c'était fois. Quoi qu'il annonçait en même temps, je me souviens plus, il avait fait la GameCube qui s'en venait ou quoi? Il y avait la GameCube. Lui, c'était comme, ça va être de la grosse merde, Sega vont péter tout. Puis moi, j'allais là, puis en plus de jouer à des jeux que tu pouvais essayer là-bas, je lisais les revues carrément dans le stand. Le gars, il s'en colissait, il me laissait faire, il était bien cool. Puis que là, moi, je l'écoutais, puis j'étais comme, il est bien cave, ce gars-là. Tu sais, genre, moi, j'étais vraiment déjà... J'étais... Dans le fond, ce gars-là, il avait comme un don, il voyait le futur. La seule affaire, c'est qu'il voyait aussi sa propre mort. Attends, je vais juste finir mon affaire. Parce qu'est-ce qui est drôle, tu sais, le gars m'a marqué, puis je m'ai comme mêlé de la conversation, tu sais, mais j'étais, ben non, Nintendo, tu sais, j'étais un petit jeune qui connaissait. C'était quoi ta porte d'entrée pour rentrer dans la conversation? Je m'ai juste crissé là avec une revue dans les mains, genre. Moi, je traînais à cette place-là comme 3 heures par jour, là, je jouais à plein. Tu pouvais essayer tout. Là, le gars, il me laissait tout faire, là, vraiment. Là, je passais mon temps là. Fait que je m'ai comme mêlé là, puis ah ouais, let's go. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est comme je m'ai un peu estiné avec ce gars-là, puis tout le long, j'étais comme t'es bien. Puis je me souvenais de lui quand que Dreamcast a crash, ben raide, genre, si on peut dire, il a fail, puis j'étais comme petite cave, tu savais rien, tu sais, genre. Puis j'étais bien fier de mon affaire. Mais mon premier appartement. Quand je suis allé en appartement à Terrebonne, mon premier appartement, je n'y ai qu'un dans le fond, que je pense. Fait que moi, c'est Eric. Le gars en face de mon appartement, c'était lui. OK. Puis, c'était lui, pas pendu. C'était, là. Non, ben tu sais, il y a 4 appartements. Non, mais là, le Dreamcast, c'est comme la meilleure affaire du monde. Non, mais tu sais, c'était plus tard. Là, on était on était rendu à l'époque du 360, le PS3, puis tout. Là, puis okay. Là, lui, c'était mon voisin. Puis là, il a vu que moi puis mon coloc, on tripait gaming. À un moment donné, il a commencé à toujours nous parler. Puis, le genre de gars qui t'invite chez eux, viens voir, je vais te montrer mon nouveau jeu ou de quoi. Puis, t'es plus capable de sortir mon de chez jeu. Eux. Ouais, genre, là. Son nom as my pants. Ou son pénis. Mais en tout cas, non, c'était un freak, là, puis il était très spécial, puis... Bon. Fait que moi, c'est Eric. Allô, Eric! Ce même gars-là, en passant, s'il travaillait au Microplay ou quelque chose comme ça, je disais, Sega, c'est infini, le PlayStation 2 va être la console la plus vendue au monde. C'est ça que je disais quand j'avais 19 ans. Imagine. Fait que, sideway, calvaire. Calisse, André, garde ça en contrôle. Hey, 6 ans après, je suis pas capable de garder un show tight. Je m'en veux, c'est incroyable. Bruno, j'ai besoin de ton aide à soir. Simon. Deux animateurs, c'est clair qu'on est capable de faire quelque chose. Ah, ben là, écoute, je suis dans ta cassa, mon gars. Fait que c'est toi qui navigue. Prends le singe, puis mets-toi les cinépans. Fait que, écoutez, guys, ce soir, c'est super simple. On vous a préparé un crossover de proportions assez épique pour nous. Fait que vous nous direz si vous partagez l'opinion après. Puis si vous êtes déçu, ben ça peut arriver, mais écrivez-nous pourquoi. Ah, ça mais honnêtement, on va parler du E3 2018 ce soir. Donc, d'une façon formelle, informelle, on va vous présenter un peu nos trois coups de cœur chacun. On va, discuter des conférences très brièvement. On va probablement s'écarter 3-4 fois en cours de route avec une discussion totalement random. Parler du Dreamcast un peu. Ouais. Exact, exact. Mais It thinks. Mettez vos souliers. Ouais, puis je vais cacher mes pieds en dessous de ma chaise. Puis moi, pour la fin, je me disais, on pourra faire un petit blitz de nos affaires qu'on a trouvé le fun aussi, tu sais, des mentions spéciales. Puis parler aussi de notre grande déception du E3. Parce que c'est sûr qu'on a 46, mais il faut juste... Une. C'est pas faut le fun essayer si de choisir pas de déception. La déception. Ben, c'est pas un E3 si t'es pas déçu. Faut-tu aimer ça quelque part? Tu peux pas aimer tout. C'est comme Noël. Tu es déçu au E3? Moi, je suis déçu parce que ça m'a coûté cher. Ouais. Ok, bon, cette réponse-là, on peut pas la donner. Là, c'est fini, ça. Là. Non. C'est une bonne déception, ça. Ah oui. Bon. Fait que c'est ça. Fait que, hey, on va starter ça tout de suite. Dans le fond, on parlait d'avoir nos trois meilleurs jeux et tout ça. Mais je me disais, avant, on devrait-tu parler un peu des conférences? Ouais, peut-être. Peut-être les trois main events. Non, mais on reste sur hardware ou... La conférence en tant que telle. La conférence en... Non, mais on en peut parler présentation. De la... As a whole, là, tu sais, parler vraiment en général, tu sais. Puis starter ça. On pourrait y aller en chronologie. Ah ouais, la première. Tu veux, voilà. Fait qu'en réalité, dans le fond, on débute avec Microsoft. Qui ont travaillé ensemble chez moi. Ben oui, on a tout écouté ça. Oui, on a tout écouté ça ensemble. C'était pas pire, ça. Comment vous avez trouvé ça, Microsoft, cette année, messieurs? Ah, ben écoute, moi, si je peux me lancer en premier, je veux dire, Microsoft. Ils ont le sens du spectacle, dans le sens que, tu sais, tout était bien, le rythme était bon, la présentation, ils mettaient vraiment l'accent sur qu'est-ce qui était nouveau et tout. Je te dirais, en termes d'expérience de présentation, c'était pas mal la plus pépée. Tu sais, je te dirais, ils ont commencé, on dirait, en force en disant « Hey, Halo 6 existe, OK? » On n'en parlera pas, mais ça existe, OK? On peut-tu parler on de va passer choses? À d'autres choses. C'est ça. Ah oui. Non, c'est mais... ça, moi, j'ai trouvé que c'était la plus... C'était la plus phénoménale en termes de présentation. J'ai trouvé que c'était ceux-là qui nailaient le plus le côté conférence, présentation, big and bold. On c'est est là. On c'est le classique. Là, comme on ça, est habitué au E3. Toutes les autres sont allés avec une autre formule, on dirait, cette année. Puis eux autres, ils ont décidé. Ben, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, mais je trouve que Xbox était vraiment les plus big and bold. Puis j'ai trouvé que c'était. Tu sais, c'est ça, c'était très flashy. Puis, il y avait du contenu en masse. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait les meilleurs trailers. J'ai pas nécessairement trouvé qu'il y avait les meilleures exclusivités. Parce que là, il y avait dit en plus de ça qu'il y avait 18 exclusivités. Puis j'ai cherché sur Internet, puis j'en trouve ça, bien ça devient, 14. Ça devient confus. Non, mais parce qu'il y en avait ça, déjà sortis de genre Sea of Thieves. Ah, c'est ouais, ça. Ouais. C'est une exclusivité, mais State par contre, of Decay 2. On est en early access. C'est je veux ça. Dire, c'est... Non, c'est... Pardon. On est dans Sea of Thieves. Mais c'est ça, puis j'ai trouvé vraiment là, que c'était snap. C'est snap, ça, snap, ça, je m'en ai dit. Le pacing, il était. C'était pas. On s'est jamais emmerdé ouais. durant vois, cette conférence-là. Back à back. Moi, j'ai eu de la misère après de me rappeler justement les jeux qu'on avait vus tellement. Il y en avait tellement. Que, tu prenais pas des notes, Fred? Non, je prends jamais une note. Je tenais une bière et un hot dog dans l'autre main. On tiendrait à mentionner un hot dog au Kraft Dinner en plus. Ben qui en plus. Une couche. Amener le Weg à l'E3 un petit peu. Non, puis moi, avant que je l'oublie, ma plus grande surprise, c'est qu'ils ont, pris un de mes studios favoris. Wow. Ils ont pris Ninja Theory qui ont acheté. Ils ont fait l'acquisition de plusieurs studios, dont Ninja Theory, qui est un de mes studios préférés. Je suis quand même surpris parce que, tu sais, c'est ça, c'est un studio qui a commencé avec Sony puis qui était comme pâmé devant Sony comme ça n'a pas d'allure. Ils ont essayé de faire un double A avec Hellblade Senua's Sacrifice. Puis... Mais qui ont réussi. Oui, c'est ça, mais ils l'ont fait modestement. Puis j'ai comme l'impression que c'est ça. Microsoft est arrivé avec le Mad Microsoft Money. Puis eux autres, ils ont fait comme « Ah, ben là, il faut qu'on mange. » Ils ont accepté du gros cash, c'est sûr. Il y a une chose à dire sur la conférence de Sony, c'est que je pense qu'ils ont juste montré qu'ils Microsoft. Sont là. Microsoft, tu veux dire. Microsoft, excuse-moi. Sony, on sait qu'ils sont là. Microsoft, je pense qu'ils ont juste voulu montrer qu'ils étaient là, sont prêts, ils ont investi dans des studios. Ils sont à l'écoute. Tu dis justement l'affaire de Ninja Theory, que je trouve que c'est un signe qu'ils veulent de quoi qui est à eux. Ouais. Je trouve que on n'a rien vu de concret aujourd'hui, à part du fait que c'est la première conférence qu'on voit que Gears et Halo en même temps. C'est oui. rare qu'on voit les deux qui se font pusher. Fait qu'ils sont allés all-in, je trouve, avec ça. Plusieurs Gears, même. C'est ça, ouais, les trois Gears, mais ça, j'embarque pas là-dedans. Gears Tactique. Mais le but, ouais, Gears Funko. Qu'est-ce qui ouais. est important à cette conférence-là, c'est qu'ils ont vraiment démontré qu'ils sont là, sont prêts à investir. Ils ont des initiatives, c'est quelque chose ouais. qui m'intéresse au bout. C'est l'équivalent, tu sais, on parlait de Santa Monica Studios tantôt, là. Mais c'est un studio. Mais il fallait qu'ils créent un studio à la place de Microsoft Studios. À Santa Monica, là. Tu sais, il y avait Rare. Ils l'ont fait à Santa Monica. Ouais. Non, mais Rare est toujours Rare en passant. Le Rare, ils n'ont pas. Ah non, non, je sais. Mais je, Rare. Dire, mais je trouve que c'est intéressant leur approche comme ça. C'est ça. Moi, c'est juste ça que je voulais dire sur la conférence de Microsoft. C'est qu'ils montrent qu'ils sont là et sont prêts à mettre de l'argent sur l'exclusif. Puis là, j'ai plus hâte à voir le futur. Ouais. Même si en 2018, la conférence ne représente vraiment pas rien de très intéressant. Ouais. C'est quand même une grosse affaire classique. Mais tu vois qu'ils sont là, ils vont pas lâcher. Ouais. Puis le plus important, je pense, c'est qu'ils veulent que Microsoft Studios soit respecté. C'est pour ça que t'as les gros meld avec le PC maintenant. Mm-hmm. C'est que la seule affaire qui est importante, c'est que le PC est pas un compétitionneur. Ouais. Le PC est un ajout, une autre fenêtre, juste pour montrer le brand Microsoft Studios. Ouais. Puis je pense que c'est le shift qu'on s'en va voir. Mais on va voir. Mais on c'est ça qui est... moi, tu vois, c'est ça qui m'a fait plaisir pendant cette conférence-là. C'est que, comme beaucoup de personnes, on regarde le 3 souvent, puis ça va nous guider dans nos choix financiers pour l'année prochaine, tu sais. Puis moi, j'ai le premier Xbox One, tu sais, il marche encore de peine et de misère, puis l'Internet est lent as fuck dessus. Puis j'ai un PS4 qui fonctionne encore quand même très bien. Sauf que je suis rendu avec ma TV 4K. Fait que moi, j'écoutais le 3 cette année, puis je me suis dit, bon, OK, PS4 Pro, Xbox One X, ou ben je continue de pisser de l'argent dans mon ordi, puis je suis satisfait pareil. Puis, je te dirais, la conférence de Microsoft, c'est difficile à dire, mais ils m'ont donné espoir. Il y a beaucoup de stock qui s'en vient. J'aime beaucoup la direction qu'Amérique, il mentionne. Tu sais, l'écosystème, joue où tu veux, nous autres, on s'en fout. Le contenu va être là. Tu sais, Forza, qui va faire du PC, du Xbox, Gears of War 5, qui m'a fait réaliser que j'avais pas fini le 4 encore, puis que finalement, il est disponible dans ma Game Pass, qui est sur mon ordi. Ben oui, il annonçait, tout Microsoft a annoncé Game Pass. C'était bien fait, puis ça m'a donné le goût, justement, de réexplorer certains jeux. Sauf que d'un autre côté, j'ai fait comme, ouais, j'en parlais avec Eric un peu avant, tu sais, c'est finalement j'en aurais peut-être pas besoin d'une Xbox One X, tu sais. Non. Je vais peut-être plus me diriger vers un PS4 Pro, rehausser ma machine pour avoir quelque chose, parce que présentement, ben tu sais, là on est dans le studio ici pour les gens qui à la maison qui nous écoutent, mais ben, vous voyez pas, mais de l'autre bord, c'est mon setup de gaming dans le fond. Puis tu sais, c'est ici souvent que je vais passer mes heures de jeu, tu sais. Mon petit couch dans le coin, je suis tranquille, ma petite bière, puis il y a du gaming qui se passe. Mais c'est ça, tu sais, c'était pas une conférence où je me souviens, avant, t'écoutais le 3, puis c'était comme, cette année, mes bidous, j'aimais où? J'achète du Sony ou j'achète du Microsoft? Là, c'était plus, bon, OK, ben, ils ont une belle offre qui va être diversifiée, mais je vais attendre pour voir le reste pareil, tu sais. Fait que c'était bien pour moi, Microsoft, tu sais. Mais tu veux, moi, c'est ça, c'est encore, tu sais, comme, j'ai vendu ma Xbox One parce que, justement, je trouvais que c'était du pareil au même là qu'il y avait, puis les exclusifs étaient pas là pour moi. Puis je trouve qu'encore là, même là, à ce 3-là, il n'y a pas eu d'exclusif cette année qui m'a fait comme « tabarnak, il me faut un Xbox One au plus sacrant ». Sauf les marques déjà connues. Tu sais, Forza me tente toujours autant. Le nouveau Gears, j'avoue qu'il me tente, malgré le fait que l'approche qu'ils ont eu de montrer un story, un petit gros bout. C'était pas le meilleur pitch de vente possible. C'était pas bon, ce pitch-là. Là. Forza vite fait, mais il est tentant. C'était un des studios qui a annoncé qu'ils ont officiellement acheté. Oui. Puis il y a des grosses rumeurs qui disent que c'est eux qui travaillent sur le prochain Fable en ce moment. Okay. Fable avec des chars. Open world, là, tout ça. Là, mais, exact. Mais comme tu dis, là, au pire, pogner un PC, je pense que c'est ça qu'ils visent. Le hardware, il est plus vraiment important. Mon gut feeling, c'est vraiment, on dirait que Microsoft, cette année, ont une approche, qu'on en parlait tantôt avec Sony, mais qui était vraiment de mettre la place aux third parties. C'est juste, regardez, il y a du multi-console, il y a du multi-plateforme qui existe. Ben, regardez chez nous, vous allez avoir quand même tout le top of the line experience, puis PUBG. Ouais. Mais tu sais, c'est important, ça, que je pensais aussi, que je l'ai ajouté à l'affaire aussi, c'est que non seulement ce qui montre qu'ils investissent beaucoup d'argent dans un futur de first party d'exclusif à suivre, mais ils démontrent aussi qu'ils ont un énorme support du third party across the board. Puis dans l'industrie du jeu vidéo, ça fait des années qu'on suit ça, nous autres. Des fois, pour des compagnies qui produisent ou qui distribuent comme ça, c'est difficile d'avoir du support pour du monde qui viennent créer des jeux. Mais là, il n'y a personne qui ne peut pas créer un jeu sur le brand Microsoft ou Xbox, peu importe où ce que c'est. À part Sony. Mais j'ai trouvé ça. Mais non, en fait, il y a un. C'est drôle, là, mais si je me trompe pas, là. C'est quoi le jeu de Life is Strange là? C'est Captain quelque chose de kid. Ah ouais, Captain. Avec le petit gars weird là. Kid. C'est exclusif qui a montré l'affaire de Mirror, le Two Mirrors, tout ça. Ou... Attends. Autre... Ouais, il y a un autre affaire du studio de. Tu t'avais dit que c'était. Oh oui. Là. Ouais, ouais. Mais ça, c'est distribué par Sony. Ouais. Ça. Mais c'est Dontnod Entertainment qui fait ça. Ouais, Dontnod. C'est publié par Sony. Ouais. Puis c'est financé par Sony. Oui. Puis ça va être sur Xbox. Fait que, c'est un petit lien. Mais je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Mais ils peuvent avoir un peu d'Xbox Money aussi. Moi, j'ai un rêve de voir ces affaires-là commencer à mélanger un tout petit peu. Oui. Puis on va pas se le cacher, un des plus gros titres first party, pas first party, vendu par Microsoft, c'est Minecraft. Oui. Ouais, c'est all over the place. Oui, exact. Mais tu sais, tu parlais de PlayerUnknown's Battleground, qui est un jeu que j'aime beaucoup, puis je pense que toi aussi, tu y joues quand même pas mal. Mais j'ai trouvé ça un peu awkward. Parce que, tu sais... De la neige, André, de la neige! On dirait le hype de PlayerUnknown est en train comme de se faire éclipser par Fortnite. Ben, ça, pas c'est vite. Clair. Ouais, ça arrive. C'est ben, même tranquillement pas vite. C'est là. C'est là. Puis, on dirait Xbox, c'est vraiment... T'sais, non, mais nous autres, on a Player... Moi, personnellement, je préfère PUBG, mais tu sais, je veux dire, si tu regardes rationnellement... Rationnellement, PUBG est 30$ puis il est buggé. Fortnite est gratis puis il marche bien. D'un point de vue wow, tu sais, c'est comme Chris, même la Switch se sont positionnés avec Fortnite. Hey, on va en revenir. Ah, mais ça, j'ai une petite affaire à dire là-dessus là, parce que j'ai écouté du monde qui parle du plancher du E3. Epic est très présent chez Nintendo. Ben, c'est sûr. C'est ils ont besoin d'Epic. Ils ont même, en passant, parenthèse weird, là, mais Smash Bros, Epic. C'est sur Unreal maintenant. Ouais, ça, c'est génial. On va peut-être voir du Gears of War, ça Switch, ça abole à un moment donné. Non, jamais. Gears of War, non. Mais peut-être Gears sur, of War, peut-être ça sur la app Xbox si Nintendo l'accepte. Oh. Le punk, le Funko là, Pop. On avait Gears, mis ça. Ouais. Mais là, attends, là, Milton, t'avais-tu quoi? Moi, je suis un peu d'accord avec vous autres dans le sens que le pacing était très bang, bang, bang, on vous garoche des affaires. Comme Fred, il dit, j'avoue qu'il y en a une couple que j'avais oublié à la fin, puis c'est quand que j'étais rendu chez nous le soir que j'ai checké le listing, j'ai fait, que c'est vrai, ils ont montré ça, j'avais carrément oublié. Puis, j'étais un gars d'Xbox en général, puis moyennement impressionné, je dirais. Halo, je suis pas un grand fan. André, t'as bien dormi ce soir. Il y a des jeux que je veux. Crackdown, Session. Mais tout ce qui est important pour moi et Joe, c'est qu'ils release d'autres affaires sur les Game Pass puis pas cher qu'on peut partager. Ben, ça, c'est aussi, cool. Ça, c'est le fun. Fait qu'on fait ça, le fait que moi et Joe, on fait qu'est-ce qu'on fait sur la Xbox, moi, je trouve que c'est une énorme ouverture. Ça rajoute à l'expérience. Ouais, c'est cool, ça. Excellent avantage à l'ouverture. Le partage. Sinon, je trouve, comme montrer les achats, ils ont quand même montré qu'ils ont acheté 5 compagnies. Ouais, puis ils ont glissé en douce. On travaille sur la prochaine Xbox. Ils l'ont fait vraiment là, comme en 2 secondes. Ouais, là. Ben j'ai genre nos engineers sont là-dessus. J'ai une opinion là-dessus que je trouvais cohérente. C'est qu'ils l'ont dit avec un gros écran noir. Ouais. Puis c'était quasiment comme un petit regard à Sony, un peu dans la guerre du hardware, là, qui est comme check dudes. Whatever que vous présentez, on est prêt. Ouais. Non seulement ça, mais ça a plus rapport les générations de consoles rendues là. Parce que nous, ils vont être comme votre PS5 fait tout ça. Ok. Puis, comme, c'est, en tout cas, ça, notre industrie est en transition, guys. On sait tout ça. C'est weird. Ouais, c'est sûr et certain. Ouais. Mais c'est le fun d'avoir aussi l'évolution où, tu sais, je me souviens dans le temps du PS3, puis t'inquiète, notre console, les Blu-ray. Ah, oui. Ben, t'as parlé de nous. Ouais, ouais. Nous autres, on fait ça. Là. YouTube est built-in. Ah, ça, il y a Netflix. C'est ça. Il y a juste Nintendo qui n'a pas Netflix. Ouais, c'est ça. Cette année, nos jokes, c'est genre, bon, ben, fuck le fla-fla. Mais. V'là les jeux. Okay, ouais. On va à Sony là. Non, on faudrait passer par Bethesda avant. Non, mais c'était ouais, attends, ça, c'était pas mal ça dans le fond pour moi là, Xbox, c'était punché des gros trailers straight to the point là, tu sais, on niaise pas. Je veux pas comparer à d'autres suites vu qu'on n'est pas rendu là, mais des shows de flûte pendant 5 minutes. on est rendu à Sony? Non, c'est pas rendu. Pour ça que. Il y a dans son cul pour être Trigger. Ça prêtait à nous donner ses opinions de Bethesda. Mais suivait Microsoft. C'est ça. Ben là, ça veut dire qu'on a skippé EA dans ce cas-là, guys. On l'a skippé, mais c'est pas faux. Mais EA, c'est ça, on l'a skippé parce que. Mais moi, c'est hardware. Parce que j'ai quand même des opinions sur la présentation EA. J'ai trouvé qu'on fait une parenthèse pour EA. Hey man, okay. On fait une curve à EA. Bien vite, j'ai trouvé Battlefield, il y a de l'air cool. Ouais. Mais je suis pas un grand joueur de Battlefield. Fait qu'au moment qu'il sort, si j'ai 80$ à flouber, pique, t'es un peu chaud. Mais il est en plus. Joe, tu vas l'avoir Battlefield 5. Rick, il va l'acheter. Non, mais moi. Il est en plus le dev. Qui ont envoyé à l'abattoir pour présenter Battlefront. Il faisait tellement pitié. Il avait l'air sympathique. Il était si gentil. We heard what you told us and you know we're doing everything. We're trying ça to do everything right. Dans les tranchées, dans la guerre, Colin, le gars qui sort avec le drapeau puis qui fait ouais, exact. Mais j'irais moi pas là. Pour ça, là, pauvre dude, on oublie. Courage. Battlefront 2 a ouvert un des plus gros débats dans l'histoire du jeu vidéo. Puis c'est EA qui ont mangé le gros bouton de ça, même si tout le monde en participe. Même si un tout le monde peu, achète des loot box dans ça. Fait que ils ont mangé le gros coup avec ça à cause de Star Wars. Puis grâce à tout ce drama-là. Mais leur système de progression aussi faisait pas d'allure. Non, même faisait pas d'allure. C'était broken mais l'industrie là. De là va évoluer bien à cause de ça. Puis tout le monde va s'habituer. Mais ce kid-là, là, c'est, qu'est-ce que, quand je le vois, là, c'est qu'on est facile à chier. Comme gamers qui sont fru. C'est très facile à chier sur people. Une grosse machine. Ouais. Mais fuck, man, tu vas pas me faire croire qu'il y a pas du monde qui sont en Suède, qui sont en train de fucking capoter puis vider leur sang pour faire un jeu qu'eux, ils trouvent de qualité. Peu importe qui est la grosse compagnie. Puis j'aime quand même qu'ils ont fait ça un peu de manière weird. C'est un gros damage control shit. Mais tu sais, parce que je me souviens pas c'est quoi le nom de l'autre dude de EA, là, tu sais, le Playboy là, qui arrive tout le temps au début, là, you know, blah, puis il est tout le temps comme les mots parfaits, tout ça, fucking ennuyant. Trip Hawkins. Tu sais, c'est tout le temps justement des beaux bonhommes qui arrivent sur le stage que tu dis, lui, il a jamais touché une manette de sa vie. Ça ressemble à Matt Stone qui arrive. Puis là, après ça, t'as l'autre qui arrive, est-ce qui est là? Hey guys! Tu sais, là, tu fais, ok, lui, c'est un dev. Il avait vraiment là. Tiré la paille la plus courte. Ouais, c'est ça. Rester dans la parenthèse un peu qu'on est dessus, puis rester Microsoft, c'est la engineer qui a sorti une part pour nous raconter le 2x the speed pour Game Pass, qui est très cool, mais tu voyais que t'es comme, qu'est-ce que tu fais là, madame? Ouais. Puis je suis sûr que la job. Dans ingénieur, on a dit ça, c'était tellement huge, mais ils ont donné un 4 minutes à cette pauvre madame-là, super awkward, qu'il y avait zéro punch. Là, mais... comme, c'est comme nous, on a travaillé en tabarnak là-dessus, puis c'est fucking mental que maintenant, toute l'autre deux fois, puis tout le monde était comme, même nous autres dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Là, je mélange peut-être mes conférences, mais parlant de madame awkward, c'était-tu dans EA, la madame, le jeu dépressif. Je vais dire allemande, la madame, le jeu dépressif coloré, cel-shading, je comprenais fucking c'est ça. Puis c'était pas perdu en Lost in Translation. Ben, c'était cute. Non, le jeu était excellent. Elle a eu un moment, elle a freezé sur scène, mais ça a débouché. C'était quand même cute. C'était, moi, tu vois, ça m'a pas. C'était un ACV, ça. Mais elle est devenue toute rouge d'un coup, puis elle a commencé à parler allemand. Ce qu'il faut allemand, dire aussi, c'est que ces gens-là, tu sais, des fois, tu sais, quand t'es développeur, c'est ça, t'es speaker pour une équipe, après ça, t'es speaker pour des occasions plus importantes, mais là, tu deviens speaker pour un amphithéâtre. Mais j'ai trouvé ça, tu sais, elle a eu un déclic à un moment donné. De monde rempli de haine prêt à découper. Moi, j'aime ça. Ultra touchant à un moment donné, parce qu'elle a déclenché, puis t'as vu, elle est embarquée sur le stage comme le genre de fille que sa compagnie était clairement dans son garage, puis à un moment donné, il y a un chèque d'IA qui est arrivé par la main, puis elle a fait « Fuck off, on achète le neighborhood! » Puis après ça, un moment, elle a décliqué, puis là, elle a commencé à l'expliquer comme il faut son jeu, puis tu vois l'artwork, puis là, elle a dit « Plus que tu t'isoles, plus que tu deviens un monstre, plus que tu te rapproches des humains, puis t'as des interactions, plus qu'elle redevient humaine. » C'est tellement humaine, deep puis... ce qu'elle avait à dire que... Ça, c'est tout le temps de même, de toute façon, toutes les fois qu'il arrive de quoi ou à trop, où ils vont, tu sais, ok, on y va fucking dramatique, le monde, tu sais, puis tout le monde est comme Phil Party pour écouter de quoi dans une conférence. Quand, on n'est pas mandé à Sony encore, là. Non, on est pas à temps, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle quand même de ces conférences-là. Tu sais, tout le monde écoute ça, tu sais, avec une bière et un chip, puis là, t'as une personne qui arrive vraiment dramatique, là. It's the end of the world. Everything's a stake. Puis tu sais, c'est comme trop intense. Ah, puis tout de suite après, t'as Casey Hudson puis la gang de BioWare ultra blasé dans leur sofa, que Casey Hudson, il est genre... Tu le vois dans sa face, c'est écrit « Je ne veux clairement pas que personne me parle d'Andromeda. Ouais. Je suis ici pour parler d'Anthem. » Puis il est comme... Il parle, puis ils ont l'air blasé au bout, puis... Anthem, no joke, l'année passée, mon hype meter avait explosé, puis c'était incroyable. Puis cette année, j'ai regardé ça, puis j'ai fait comme Destiny Division / Iron Man Simulator générique de je suis plus sûr. Mais avoue que c'est la meilleure affaire qui t'arrive. La démo était plate. Tes attentes sont baissées maintenant. Mais écoute, je me pose la question s'ils n'ont pas fait exprès. De non, je pense pas. Moi, je pense qu'ils ont juste montré le vrai deal. L'année passée, à notre spécial E3, j'avais déclaré que Anthem me laissait de marbre. J'étais comme, moi, je me hype pas pour ça tant que je verrai pas du good gameplay. Call. Excellent call. J'étais comme, ouais, ça tu m'avais dit, tu vois, Bruno, là, ça, là, ça, là, c'était une photo. Est-ce qu'il y a rien en arrière de ça? Tu sais, pis c'était ça. C'était comme... Finalement, tu sais, le jeu arrive. Tu sais, ça a pas l'air mauvais, mais c'est juste... Tu sais, c'est comme... j'ai l'impression que ce jeu-là, ils ont pas amené qu'est-ce qu'il fallait pour le vendre. T'sais, ils nous ont montré qu'ils faisaient Destiny avec Iron Man, Mass Effect et tout, mais tu sais, ils m'ont pas dit « Hey, mais ce jeu-là, il y a une histoire qui dure 500 heures. » C'est ça, exact. Il y avait rien de « wow », c'était juste comme ce que je connaissais un peu. Mais on parlait qu'il y avait une campagne first person, tout ça. C'est ça. Third person, je veux dire, puis... Ils ont dit qu'il y avait pas de loot box, par contre. Ah ça, ils l'ont dit pour tout, man. Écoute, je pense qu'à chaque jeu, ils disaient... Y'a pas de boss, y'a pas de premium. Mais non, mais Anthem, en plus, tu sais, il fait juste se promener. Là, tu sais, comment qu'il se promène. Il y a une bébite qui arrive, comme, oh shit, it's going down. Logo shift qui pop là. Y'a rien. Premium, en plus, me fait réaliser qu'EA, on a quand même la partie de Origin Premium. Origin Access, Premier. Où ce que des gens comme Anthem, puis Madden 19. Ouais. Mais j'ai hâte de voir le pricing. Ouais, it's the return of Madden on PC. Mais tu sais, Anthem, c'est personne. Anthem, au final, on va y jouer, mais on va pas appeler nos mères pour en parler. Ouais, exact. Hey, je me demandais, le dude qui parlait de Star Wars dans l'assistance, c'était-tu pendant la conférence? Oui. Il était tellement sympathique. Lui, il était malade. Est-ce qu'il était écœurant? Le gars, oh yeah, we'll be back. Il avait l'air vraiment genre, tu sais, je peux pas rien dire. Ouais, c'est ça. Il avait l'air du gars, genre, qui se promène avec des guns, puis qui sait que ça va comme péter, puis il est juste comme, oh yeah. Ouais. Il y a juste quelqu'un qui demande Vettel sur Battletoads, puis je vais faire parenthèse de Dom, qui était au c'est show, vrai. Qui était chez nous pendant le live, puis tout le monde, quand on a vu le logo de Battletoads, c'est arrivé, tout le monde a fucking reviré. Ah, ça a pas de sens. Dans mon petit salon, on était une dizaine, man, qui ont cheer en voyant ça, puis c'était le meilleur moment du Dom Bourrette a pleuré de joie. Parlant d'IA aussi, j'aimerais rapporter une des tendances émergentes de l'E3 qui commence à prendre beaucoup trop de place, selon moi, mais... j'aimerais qu'on parle d'un sujet très sérieux à propos du E3. Je parlerai des animateurs influenceurs. Je sais pas qui vous êtes. Puis non, je vous suis pas sur Instagram. Puis peut-être que vous avez pas nécessairement les prérequis pour animer une campagne de masse ou passer des gens en entrevue. Fait que c'était cringe. Je sais même pas c'était qui. Non, mais y a pas une fille Danielle, en quelque plus chose. Qui a dit à commencer avec people here might not know me, but. C'est ça. Comme, but what? Mais maintenant, elle parlait à un gars dans la foule, puis c'était super awkward, puis cringe. Puis, je suis comme, Chris, OK, je comprends, là, regarde, ça coûte cher un trade show pour un vendor show, là, mais un moment donné... Mais c'est parce que c'est la nouvelle façon de faire du marketing, les influenceurs. Fait que là, tu sais, on est comme dans une transition weird. Parce qu'on sait pas qui vaut la peine ou non. Ouais, puis eux autres, ils deal avec ça, puis font comme, bon, on va essayer. C'est comme le dude qui avait introduit Need for Speed l'an passé. C'est qui était drôle, lui. C'était drôle en tabarnak. Peut-être juste brasser le tracker. Il s'était fait pousser dans la caméra, là. Le gars qui a frisé ben raide. Ouais. Mais ça a pas de sens, mais c'est parce que je trouve, tu sais, justement, c'est comme awkward au bout. Ils savent pas nécessairement comment s'y prendre. Puis on dirait que... Je sais pas comment dire... Il crée plus de malaise que d'autres choses. Il pose pas nécessairement les bonnes questions. Puis je me questionne fortement sur est-ce que c'est un intérêt envers le contenu ou c'est plutôt un chèque de paye qui génère de l'intérêt envers un contenu. Moi, je pense qu'ils veulent aller chercher leur, les followers dans le fond, parce que tu sais si ce gars-là est capable d'attirer toute cette crowd-là que toi t'es pas capable d'attirer en mettant une annonce de Sprite pendant ton show, tu sais c'est. Fait que les influenceurs en réalité c'est le Wii Bowling. C'est vrai. C'est genre nous autres on va targeter la socio-démo qui joue pas, puis on va les faire jouer. Exact. Au bowling sans consommer rien d'autre. Ouais. Peut-être. Peut-être. Mais c'est, là, facile, c'est un crowd que tu peux pas rejoindre autrement. T'sais. Moi, j'ai fait de la TV longtemps, puis c'était ça. Il y avait un crowd qu'on n'arrivait pas à avoir, puis tu pouvais même pas les avoir par la TV, chose que tu vendais. Fait qu'il fallait que tu ailles les chercher ailleurs, genre par le web de façon obscure, en écrivant des affaires. On dirait que pour du shampoing ou des produits pour la barbe, je suis comme, OK, tu sais, à la limite, un influenceur, mais là, pour animer une conférence devant. Puis ils startent tout en plus. Millions of people watching all over the world. Ouais. Puis, ta fille qui est c'est la phrase assassine. Puis un cringe as fuck. Sauf que en même temps, c'est peut-être ça qu'ils veulent les organisateurs, parce qu'à toutes les fois qu'il y a une cringe compilation, toutes les fois qu'il y a une cringe compilation, c'est tout le temps des influenceurs. Exact. C'est tout le temps du monde qui font des fuck up. Excuse-moi. Fait que... Konami 2010, never forget. Pour zéro influenceur, 100% de bonbons. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est les deux côtés aussi. Là. Tu veux qu'ils se plantent, puis c'est ça qui est drôle. Là. Sur Bethesda. Bethesda. Ouais, Bethesda. Attends, EA, c'était Ubi ou Bethesda? On a retourné Ubi. Bethesda. C'était Bethesda après. Soir, de oui, soir. Oui. Et je vais commencer avec Bethesda, moi. Ben, juste en disant que je suis tombé officiellement en amour avec Andrew W.K. De Todd Howard. C'était pas beau, Todd Howard qui arrive avec le gros fucking dick swing à terre. Yo, bitches, ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie, je connais mon shit. Ça, j'ai adoré ça. Il avait l'air de Michael Bay. Man, il était écœurant, Todd Howard. Mais je veux juste dire, puis c'est la seule affaire que je vais dire sur l'affaire de Bethesda, mais je suis fucking en amour avec ce que Bethesda ils ont fait avec le brand de id. Et je trouve qu'ils incrustent très bien la philosophie de id comme image qu'on avait eu pendant des années. Elle avait genre parti en queue de poisson un peu, genre parce qu'on était plus sûr que id se tenait. Mais Bethesda, avec Machine Games, avec les produits qui ont sorti, avec l'initiative de Rage 2 qui est faite par fucking Avalanche fucking Studios, what the fuck? Anyways, je suis en amour avec Bethesda, id, merge qu'on est rendu en ce moment et j'adore ça. Elder Scrolls Mobile is real bitches. C'est tout ce que je vois. Moi, je me souviens juste de ma blonde qui est comme. Moi, je suis hypé, je suis comme Chris, c'est Andrew W.K. Hey, c'est malade. Là, puis là, il joue live, puis je suis comme. Hey, il sonne moins bon. Il pose peut-être un peu. Il est plus ce qu'il avait jeté. Il sautait une brosse à l'œuf. Non, mais j'adore ce gars-là. Tu sais, les soundtracks de Jackass, de movies, des enfants de même. Puis j'étais super content de le voir. Mais je peux pas oublier ma blonde qui était à côté de moi, puis elle fait. Non, honnêtement, là, qu'il ferme sa gueule, il est bien mieux sur un album, puis elle se pousse. Pour qu'elle se lève, pour quitter, j'étais comme... Je trouve qu'on dirait qu'il y a une toune, lui. Ouais, mais il y a un son, là. Il fait un arpège de piano, il burke de quoi. Il y a mais j'étais sûr qu'au début, il commençait Party Hard dans le temps, puis moi, j'ai fait tabarnak, c'est pas la même... C'est Party to You Pew, Non, mais le dernier album, il est comme encensé par la critique, tout ça, mais c'est la même affaire qu'il faisait il y a 10 ans. Mais lui, il a toujours eu... C'est con, là... Parenthèse Andrew W.K. Là, mais même dans le temps, là, moi j'étais dans les magasins de disques pis tout, puis les critiques, les dossiers de presse que tu recevais pis tout, c'était vraiment comme c'est exceptionnel que c'est que c'était gars-là. Mais ils en ont fait une star avant comme... qu'il soit une star. Ouais, c'était un nobody. Puis là, tout d'un coup, c'était comme tu voyais la pochette avec le nez ensemble, pis c'était comme Chris, ce gars-là, il pogne peu... depuis 30 ans, puis là, Mario d'arriver. Rock, Andrew W.K., là, c'est la scène dans Basketball au début quand il arrive au party. Ouais. Puis le monde sont comme Chris, vous êtes comme au secondaire. Ben, c'est comme 20 ans après. Mais Andrew W.K., c'est ce gars-là que 20 ans après, t'es comme, il a commencé jogging ensanglanté. Puis, il est au secondaire. Il rock, tu sais. Mais il fit avec le brand. Comme pour Rage, je trouve que c'était un fit. Ah non, c'était super. Honnêtement, moi, ce que j'ai aimé de la conférence de Bethesda, c'est que ça a bien commencé avec la joke de Walmart, là, qui était bien placée. Mais il avait déjà fait une belle reproche à le leak. J'avais adoré leur reproche dans le leak. Qui était, hey guys, vous avez lu le A du Anarchy dans le leak. Ouais, j'avais adoré ça. Hey, ça, passant, là, ils ont-tu eu de la pub Walmart, tu penses? Ben, qu'un pre-orders, man. Mais c'est ça, en fait, ce qui était fait dans cette présentation-là, c'est que l'année passée, Bethesda, ça avait été un peu plate. Ouais. C'était beaucoup des DLC, puis des, tu sais, Wolfenstein, il y avait beaucoup de tirs là-dessus. Puis là, cette année, c'était comme vraiment en montant tranquillement. Moi, tu sais, j'étais dedans, j'embarquais, puis là, maintenant, ils sont arrivés avec le trailer de Doom 2. Moi, je suis vraiment déçu que ça s'appelle pas Hell on Earth, là, comme sur PC. Mais il comme est teasé sur PC. Le Hell on Earth. Ouais, mais on le voit dans la bande-annonce, les buildings et tout. Hell on Earth, il dit « It's on Earth ». Il a dit « Maybe Hell on Earth ». Exactement. I just teased it. T'es comme « OK, dude, comme tu sais, ça allait en buildant, puis là, tu sais, ils sont arrivés avec Fallout, puis à ce moment-là, je dois dire que le 3 était terminé. C'était comme les dollars avaient été investis au bon endroit. Ouais, clairement. Les placements ont été déplacés. C'est qui? C'est comment il s'appelle le gars de Todd Howard. Honnêtement, quel orateur pour le 3. Il est mental. Il est cranky à ce Sido, qui est un compte de creeper t-shirt ça. Mais t'as du monde en foule qui crie « We love you, Todd! » I know you do. Tu sais, comme un petit clin d'œil et un pistolet. Mais il a volé le show, lui. Si, ils se sont comme fait aller à la graine pendant, pendant comme une demi-heure. Puis là, après, ils étaient comme, oh, by the way, on va vous montrer des jeux qui sortent même pas dans le futur. Ouais. Ils sortent pour le next gen. C'était quoi, c'était Mais Starlight? C'était aussi la. Starfield. Puis un Elder Scrolls 6. Qui a amené Skyrim, justement, la joke que c'est jouable pour sortir tout avec Alexa. avec Alexa. Tu sais, c'est malade. Puis Alexa, ça marche pour vrai en plus. Ouais, ils ont vraiment fait un exécutable de Alexa de Skyrim. Mais le pire, c'est que ça, je trouve, c'est une belle catégorie pour une compagnie. C'est l'autodérision. Tu sais, c'est comme, sur quelle machine on n'a pas mis Skyrim? Ils ont même mis le frigo dans la bande-annonce. Il y avait le frigidaire avec Skyrim. Ça m'arrive au point que je te dis du branding de id. Id était toujours représenté comme ça du début. Mais Fallout aussi, tu sais. Fallout, ça a toujours été très. Dans le temps de Fallout 3, puis dans le temps d'Elder Scrolls, ZeniMax puis Bethesda, il avait pas vraiment une identité. Puis je pense que c'est une des premières fois en plus qu'on voit Bethesda comme la grosseur du publisher qui est rendu. Ouais. Puis parce que pendant longtemps, on va se dire des vraies affaires, le ZeniMax, Bethesda, petit, ça sortait des Elder Scrolls puis des jeux de Hot Rod là. C'était vraiment pas de fou. Puis ils ont vraiment bien avancé le futur de Bethesda. Vraiment. Puis l'idée de les sequels puis des DLC que tu mentionnes, je trouve que c'est cool, moi, qu'un jeu comme Prey qui est sorti l'année passée. Ça c'est correct, c'est plus le côté que l'année passée il y avait comme pratiquement que ça. Le show était composé à moitié de DLC. Ben, tu sais, l'année passée c'était très le co-op de Wolfenstein. We love single player games. Ouais, exact, c'est ça. On se bat le single player. Puis cette année c'est Fallout is multiplayer. Ouais. Comme, Wolfenstein okay, is multiplayer. Hey, Wolfenstein, la joke, il y a pas peur maintenant. Il dit on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas amené le message fuck Nadis sur toutes les consoles possibles. Lui, il est sur une mission, mon gars. Là. C'est drôle, c'est malade. Juste pour l'affaire de justement, Nadis. Dick Swinging, c'était pas mal ça, pareil. C'est du gros Dick Swing, Bethesda. Puis l'affaire de Nadis, j'espérais tellement, c'est weird de dire, mais j'espérais que Battlefield 5 ait les balls d'ajouter au moins une campagne du point de vue allemand. Mais ils l'ont pas fait encore, ça. C'est hardcore, c'est des balls ou un manque de sensibilité. Non, mais c'est pas un manque. Non, mais c'est parce que moi, je trouve qu'il y a un angle qu'un jour, quelqu'un va avoir les balls de le faire. Parce que même voir le point de vue de la Russie pendant tous les autres Call of Duty, vous en faites comme ça, c'était déjà du gros mouvement. Mais ça me tente pas de perdre dans mon jeu. Non, mais c'est des fois. J'ai le goût de finir puis gagner. Si tu joues à Battlefield 1, là, tu perds 2-3 fois. Ben, je le sais. J'ai failli quitter tout de suite. Mais quand tu y penses, tu sais, d'un autre côté, les jeux vidéo sont les médias modernes. Puis, tu sais, moi, je me souviens quand Saving Private Ryan était sorti au cinéma. Puis, tu étais comme, oh fuck, c'est ça le débarquement de Normandie que j'écoutais pas au secondaire en train de graver un graph dans mon cahier. Puis là, tu réalises, tu fais comme fuck, c'est important qu'on s'en souvienne. Ben, je pense que effectivement des fois, ça peut être rough dans le jeu vidéo à cause de l'immersion puis l'attrait, mais ça peut être... Je veux pas t'en souviens encore plus. Anyways, mais ça pourrait être bon de démontrer certaines choses dans des jeux, que les gens comprennent ça puis qu'ils le vivent. Mais je pense que la meilleure façon de le faire, tu sais, Call of Duty, c'est pour ça je trouve que dans un sens, ils l'ont bien fait parce que t'étais impuissant. Ouais, exact. Tu pouvais rien faire. Fait que tu pognais pas un gun puis tu tirais dans le tas. C'était vrai. Tu faisais partie d'une armée. Ouais. En fait. Exact. C'est ça, point t'étais comme mal pris. C'est comme ça va se passer malgré toi. Puis c'est ça l'horreur de la guerre. Ça, je trouve, c'est une belle façon de l'amener. T'as raison. Après ça, de faire une campagne complète là-dessus, je sais pas, non. Parce que ça ressemble à de la non, propagande. Mais la manière que ça fonctionne ouais, dans ça, les ça Battlefield, peut être mal vu. Quand je joue Battlefield 1, j'aime l'approche où ce que tu vois des différents fronts. Ouais. Tu vois des différents points de vue. Puis c'était ça Call of Duty originalement aussi. T'étais un peu partout. Totalement. Mais j'aime, même si c'est juste une petite angle, je suis pas là pour dire « Hell Allemagne », là, comme je m'en dis. Fuck les nazis, là. Mais l'idée de voir un peu de ça, puis une des affaires que j'avais trippé le plus sur Call of Duty, les originales, c'était justement qu'à chaque temps en temps, le premier mind-blown moment pour moi dans Call of Duty 1 au PC, c'était quand tout d'un coup, tu fais ta débarcation. Mais tu fais pas ta débarcation, mais tu fais ton parachute au début, tu fais tout ça. Puis à un moment donné, tu meurs. Ouais. Puis t'as rien à faire. Puis boum, tout d'un coup, t'es rendu un soldat russe. Ouais. Tout le monde parle russe. T'as même pas donné des estis de fusil à Leningrad. Tu te fais même pas donner de fusil. Puis le premier fusil que t'as, toi prends des corps, balles, man. Toi prends des guns. Là, c'était fucking mental. Ouais. Puis j'aimerais voir des affaires folies de même où c'est juste un fucking jeune kid estis du nord de l'Allemagne qui se fait enrober dans une folie, qui a aucune idée qu'est-ce qui se passe. Puis tu mets des déserteurs à la limite. Tu sais, tu lui donnes une twist un peu hollywoodienne ou un déserteur, mais. Anyways, ouais, écoute, Bethesda, c'est ça. En tout cas, ça sera pas dans Wolfenstein de Bethesda, mais peut-être. Wolfenstein, la possibilité de le faire en coop avec Bloodlines. Young Blood. By the way, j'ai pas fini Wolfenstein The New Order, je m'arrive prêté à la fin. Fait que je pourrais te spoiler quelque chose. Non, mais j'ai été tout spoilé en regardant le trailer parce que j'étais comme, oh shit, fait que Blazkowicz il survit puis ses filles sont là, mais sa femme est morte. Fuck. Mais ça a l'air bon. Ça avait juste à le finir avant. Ouais, c'est ça, c'est ma faute. Là. Ils ont des méchants bons IP, je trouve. Puis justement, le merger. Yo, Machine Games, man. Je suis prêt à les embrasser, man. J'adore Machine Games. Embrasser la machine. Ben, crème, juste le bonhomme que tu pognes en pre-order quand tu pognes Rage. Oui. Que tu peux mettre sur le mur à espèce de grosse pédale quand tu passes en avant. Les pre-orders, en passant, le casque de Fallout 76, que j'étais comme. Ouais. J'étais tout de suite sur Internet, j'étais comme pre-order. Chris, il n'est pas available. Faut que je pre-order le casque de Fallout. Ça n'a pas de sens. Puis c'est quand même assez malin. Hey, en parlant de pre-order, là. Ouais. Devolver. Ouais. Ils ont parce que c'est eux autres qui arrivaient après, puis il y avait tu pouvais acheter un Bitcoin à 100 piastres. À 150, il changeait de valeur. Parce que j'ai checké tantôt justement, là, il était rendu à combien? Il était 100 piastres. Okay. C'était un loot box coin, je pense. Ouais, loot box coin. Fait par Limited Run Games ce qui est quand même cool. Puis ils écrivent dans la description que ça sert absolument à rien, qu'on est vraiment imbécile d'acheter ça, que ça nous donnera rien. Moi, je le vois beaucoup. Ça, je trouve ça écœurant. De moi, juste là. Ouais. Mon présentoir, genre. I did it. Ah, cette présentation-là. Eux autres... Ouais, c'est vrai, toi, t'es pas convaincu. Moi, je suis comme le gars qui est pas fan de Devolver. Ben, Eric non plus. Ouais, j'adore ça. Les Confession Bear là, que je voulais qu'on fasse pour chacun. Ouais. Finalement, on a juste fait un pour... je n'ai juste fait un pour Bruno. Mais j'étais là, j'ai regardé les gars, je dis désolé, mais je trouve que ça, c'est l'autodérision. C'est trop troisième degré. Puis, ouais. Puis ça pousse trop, mais pendant ce temps-là, les jeux sont hot. Mais pourtant, c'est parce qu'ils ont presque rien à présenter. Fait que pour moi, c'est du divertissement. Ouais. Puis c'est de savoir comment ils vont le faire. Culture de... Non, c'est ouais, ça, mais c'est trop comme... C'est une présentation comme un show qui fait ça. Non, ils ont leur brand. Mais ils l'ont fait un peu. Ils l'ont fait à leur façon. Pas à fond. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui se fait mitrailler à la fin de la... À la fin de la conférence, pendant que justement, il y a eu l'autre qui a eu lieu. Moi, c'est montré que c'était possible. Que montre qu'il montre qu'il y a bien Robocop à la fin, tu sais. Non, mais tu sais, tout ça, je trouve ça drôle. La seule affaire, c'est que moi, comme, tu sais, comment je vois ça des fois, c'est que je le vois comme l'espèce de petit gars baveux dans le fond de la classe, là, tu sais, pendant le cours de maths, qui fait juste comme dérailler le cours tout le temps, puis qui dit des niaiseries, puis fuck les maths, etc. Mais tu sais, dans le fond de lui-même, genre, il fait ça parce qu'il est vraiment stressé, puis il veut vraiment réussir. Il est vraiment stressé, puis il est angoissé par la performance, parce que tu sais, c'est comme, c'est correct que tu te moques de l'E3, mais en même temps, tu fais quand même un showcase pour faire de ta pub pour tes jeux, pour les vendre aussi. T'sais. Ouais, mais ça représente le brand. Tu sais, le brand de Devolver, c'est ça. Ils ont toujours des jeux de même. Tu sais, quand tu joues à leur jeu, c'est totalement ça. Tu sais, c'est trash. Mais Scum avait tellement de l'air, le fun. Oui. Ça, honnêtement, ça fait longtemps que j'ai resté surpris. J'ai fait comme, fuck, c'est Devolver, ça. Ouais. Je suis ce jeu-là sur Steam depuis longtemps. Puis, pas sur Steam, sur Facebook, qu'est-ce que je dis là? Mais j'avais vraiment hâte de jouer. Là, je vois ça popper, c'est comme, je suis comme, calvaire, c'est bien cool ça. Mais je pense que c'est ça, c'est pour un public niche, tu sais, comme moi, ils ont montré My Friend Pedro. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas moi, j'ai hâte en sacrament de jouer à ça, tu sais, c'est comme Deadpool en skate qui tire un peu partout. Ça a l'air free, contrôle weird un peu. Ouais, contrôle weird, mal fait. Tu sais, puis c'est un peu ça aussi Devolver, parce que tu sais, quand tu regardes, ils ressortent le premier jeu de From Software, tu sais, qui est un espèce de jeu de marde de mec. Le président est le vice-président des États-Unis. C'est Metal Wolf Chaos. Ouais. Mais ça, c'est un portage d'un vieux jeu d'Xbox qui était publié par From Software seulement au Japon. Puis là, il expliquait, tu sais, là, on va être vraiment respectueux envers le jeu, on change pas grand-chose, c'est un port, c'est une affaire. Fait que Devolver, c'était quand même nice, tu sais. Il y avait moins de stock cette année, je trouve, que l'année passée. Il y avait trois jeux. C'est ça, trois jeux. L'année passée, c'était ça aussi. Il y avait trois jeux. Il y avait juste trois jeux. Ça a pas paru l'année passée. Il y avait trois jeux. Okay. Mais c'est ça. C'est comme, justement, ils n'ont absolument rien à montrer. Ils font comme... Beaucoup de filler. On se fait du fun. Puis on fait une présentation. Puis c'est juste les speeches que la fille fait... Je trouve qu'il y a plein de Christy de bons bouts dedans. Il s'amuse. Il y a des affaires vraiment drôles, tu sais. Fait que c'est plus une question de, tu sais, c'est comme... Moi, ça me plaît, c'est comme un candy, ça sert à rien. C'est un peu hater sur les bars, c'est un peu comme, tu sais, le monde qui s'ostine sur Facebook. C'est comme, j'ai pas vraiment besoin de ça, c'est juste ça. Moi, j'ai juste aimé... leur petite référence là, tu sais le gars genre ça c'est un gars qui fait semblant de jouer à un jeu devant vous mais en réalité c'est scripté pendant un mois et demi à l'avance. Le gars il s'en va d'abord faire un petit clin d'œil, tu sais. Puis quand il arrive, tu sais, puis il dit ça c'est notre nouvelle console, it's a Sega Dreamcast, shut up Rick. Tu sais, puis c'est vraiment c'est tu sais juste ce genre de gag là, je trouve ça. On dirait un palette cleanser. C'est sympathique. Ça fait changement. C'est c'est lazy aussi là, c'est facile. Ouais, mais c'est parce que c'est inutile en fait, puis c'est juste, c'est là, tu le prends si tu veux, tu le prends pas si tu veux pas. C'est ça, exactement. C'est très hypocrite un peu. Mais c'est bon, mais tu sais, il y a des limites. C'est un peu comme punk, mais qualité genre Pennywise un peu. C'est genre, ils font full l'argent, mais ils sont punk. Ok, il crie le titre de la toune dans le refrain en faisant 3-4 par heure. Je me suis retenu tantôt pour les jokes de Fallout Boy en parlant de Fallout. Mais cela dit, sur Devolver, il n'y a pas un produit de Devolver que j'aime pas. Non, non, il est bon. J'aime tout. The Messenger, ça s'en vient sous forme de Devolver. Ils ont des estis de bonnes, des bons scouts. Ils savent comment bien viser les bons produits. Puis on les aime, là. C'est juste, Mais ils sont en parfait contraste avec la prochaine conférence. Ben oui, hein? Ubisoft. Ouais. Qui, elle, commence avec des oursons géants, du monde qui danse, de la grosse joie. C'est un professionnel. Je sais, man. Beaucoup de monde qui... Kawaii. Just Dance, c'est toujours là. Mais c'est ce que j'ai apprécié d'Ubi, par exemple. C'est qu'à chaque année, on a Just Dance. Puis cette année, on dirait qu'ils ont fait genre... Ok, on le fait au début, là, puis on s'en débarrasse après. On n'achète plus personne après. Mais faut qu'on remercie, qu'est-ce qu'ils financent bien d'autres projets chez Ubisoft. Non, mais honnêtement, exact, Just Dance paye deux tiers des effectifs là-bas, je suis sûr et certain, tu sais. Mais commencer avec un lip dub, là, c'est toujours comme... C'est toujours winner! Très bon, là. Mais Flo Rida était pas là, j'étais un peu déçu. Hey, mais c'est vrai, il y a tout le temps partout, un artiste de weird. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que tout le budget était passé sur les autres, parce qu'il y avait quand même pas mal de célébrités à cette époque. Encore Miyamoto, que tes amis vont chercher un cadeau après ça. Moi, je pensais qu'il était pas là, puis il a fait comme... Joseph Gordon-Levitt. Je sais pas s'il voulait ça. J'ai même pas catché. Non, mais lui, il a dit... Il était là à cause de... C'était à cause dans... Joseph Gordon-Levitt, en fait, c'est parce que là, ils ont annoncé Beyond Good and Evil 2. Créez nos art assets, guys. Create them. Puis dans Beyond Good, en fait, là, il y a la fondation de Joseph Gordon, ça s'appelle It Rec. Puis dans le fond, ce que c'est que c'est comme un regroupement de monde partout dans le monde qui se mettent ensemble pour faire une œuvre. Fait qu'à mettons, moi, je pars une toune, mais je suis vraiment pourri en drum. Fait que toi, tu fais mon drum. Milter va chanter. Mais tu sais, toi, t'es à Singapour. Comme la version Star Wars sur YouTube. Puis, Milter, il est à New York. Comme le band Postal Service, mais... Ouais, comme Postal Service. Mais en moins bon. Exact. Fait qu'eux autres, fait, c'est ça. Ils voulaient juste comme faire participer le monde. Puis, entre autres, si tu fais du design, tout ça, tu veux faire un poster qui va être dans le jeu, c'est là. Je sais pas si c'est quelque chose pour lequel tu ne seras jamais rémunéré. D'après moi, c'est clair que t'auras jamais une scène. Mais en même temps... Mais je trouvais que c'était quand même intéressant comme initiative d'amener le public là-dedans. Dans un jeu qui se veut aussi gros, tu sais, tu t'assures au moins que ça va vraiment être très hétéroclite, tout ce que tu vas voir. Il n'y a pas plus hétéroclite. Moi, je pense aussi que c'est l'équivalent de genre quelqu'un qui va voir un graphiste et qui fait comme, écoute, gars, fais-moi un bon prix, là, je vais te donner bien de l'exposure. T'es comme... Non! Paye-moi, Chris! Mais je suis sûr qu'il va y avoir une stratégie quand même intéressante derrière ça. Je pense qu'il va y avoir des affaires intéressantes ou que tout simplement, ils vont avoir des submissions et qu'ils vont faire « Oh, fuck! » Soit ça, mais c'est une manière très méta et actuelle d'aller scouter des millennials avec des special habits, de faire genre... Scouter des millennials avec des special habits! C'est vraiment badass! OK, on peut peut-être le recruter. Gratuitement. C'est exactement ça que c'est. Je sais pas... Mais c'était drôle, mais le jeu, anyways... Le jeu m'a pas autant impressionné que le premier tech demo de Beyond Good. C'est très en développement. Là, mais moi, j'ai... Non, mais c'est parce qu'on se souvient tous du Christie de teaser qui est sorti il y a 8 ans, je pense. Où c'était Jade en train de courir dans une poule. Je trouvais ça fucking mental. Finalement, c'était juste un tech demo d'Assassin's Creed ou quelque chose. Mais est-ce que c'était mental, ça? Puis là, on voit où ils sont rendus, mais... C'est le genre de jeu comme Final Fantasy 7 pour moi maintenant. Comme check, quand je vais le voir, tout de suite, ça m'a été impressionné. Je jouerai pas. On a skippé Square d'ailleurs, mais on le fera après. Le faire après. Moi, je l'avais. Mais effectivement. Mais par contre, le trailer cette année était vraiment cool. Moi, j'ai trouvé super cool. Puis j'ai trouvé que les personnages, il y avait comme un. il y avait comme un beau nouveau look au personnage. J'ai aimé les nouveaux personnages. J'aime aussi, le style, t'sais. Ouais, le style est j'adore vraiment intéressant. Le style, on n'a pas ça tant que ça. Tout le potentiel dans jeux vidéo. Est là. J'ai hâte de voir s'ils vont le livrer. Puis moi, ouais. Je suis un. Moi, j'ai acheté Beyond Good and Evil quand il est sorti. Ouais, moi, j'ai acheté pas mal de choses. T'as acheté le remake, c'est ça. Ouais. Comme je les ai toutes, j'adore ce petit jeu-là. C'est un Zelda avec Pokémon Snap mental que je sais pas comment d'autres l'expliquer, mais je me dis que c'était un beau mélange. Puis je trouve ça plate, parce que ce jeu-là, il a été développé en 2 ans, t'as parlé. Ouais. Ben, ce jeu-là, c'est un hidden gem. Hein. Quand il est sorti, il pognait pas. Il pognait pas. C'est par la suite. Il est sorti. Moi, j'étais dans un poste de retail dans ce temps-là, directement avec les clients. Puis quand il est sorti en même temps que, c'était en même temps que Prince of Persia 2. Ouais, c'était le premier, je pense. Fait que, pour moi, c'est démarqué. Même semaine, là, t'as Beyond Good and Evil et Prince of Persia 2 qui ressort. Fait que le monde arrivait pas Rainbow Six piastres puis il faisait... Non, mais t'avais... Ben, on va avec la valeur sûre, le nouveau IP, fuck it. Puis moi, j'étais comme, achète ça, achète, come on, il est malade. Puis un moment donné, il a tombé un sweet spot. 19-29 à peu près. Okay. Là, j'en vendais des tonnes. Là, le monde se l'arrachait. Puis même qu'ils ont eu de la difficulté à se le retrouver par la suite. Puis moi, tu vois, c'est venu me rechercher aussi dans ce trailer-là. Quand que, t'sais, on s'entend, ils finissent le trailer. Puis l'autre, le cochon, là, j'ai oublié son nom, il fait juste Jade. Puis là, tu vois une jeune Jade comme evil looking. Tout à la fin du trailer, là, j'ai fait comme oh fuck, ok. She went beyond good to evil. Puis quand Beyond Good and Evil est sorti. La seule affaire qu'on parlait de Jade, c'est que c'était pas une Lara Croft au gros sein. Ouais. Mm-hmm. C'était ça le talking point. Ouais. C'était comme check, même une fille bien normale peut être un héros. Dans même une fille en tracksuit bien lousse qui se bat avec un bâton puis qui a une caméra photo. C'est une belle héroïne pareil. Ouais. Ça montre à quel point on est hot. Non, c'est pas vrai. Mais ouais. Il y a ça. Y avait, moi, j'ai adoré le dude de Trials qui est arrivé puis qui s'est planté dans le niveau que niveau solide avec sa motocross. C'était drôle. C'était tellement un bon présentateur. Puis en plus, avec son accent, ça a coupé au couteau. C'était. Mais c'est pas lui, il dit je suis le premier ministre de Sweden. Ouais, de Sweden. Le dude gars, ce dude-là, c'est le président de Lynx, je pense. Ou whatever. C'est quoi le Red Lynx? Red Lynx. Red Lynx, c'est le head de Red Lynx, ce gars-là. C'est incroyable. Fucking party, c'est encore lisse, puis ça fait des années qu'il fait plein de cash sur Trials avec Ubi depuis des heures, puis il est mental. Là. Et là, c'est ça, c'est Trials. Je l'ai pris en note, c'est quoi? Trials Rising. Moi, je suis comme tout le monde, gros fan de Trials. C'est le fun, Là, c'est le fun parce qu'ils ont l'air de vraiment mettre l'emphase sur te casser ailleurs. Tant qu'ils enlèvent l'aspect qu'ils ont essayé d'ajouter dans le Trials. Trials of the Blood Dragon. Ouais, parce que Dragon. Ils ont trop de sortir de la formule gagnante de Trials, fait que ça a mal viré, je trouve. Mais c'était un DLC. Moi, je l'ai trouvé pas si Il est standalone, mais c'est un DLC dans un sens. Pour Fusion. Hein? C'est ça, exact. Moi, j'avais trouvé ça pas si pire de tirer du monde de temps en temps. J'ai aimé, mais tu sais, je le trouvais clunky à cause que c'était comme physique-based ou je sais pas trop quoi. Mais c'est ça, en fait, une affaire qui est intéressante par rapport à ça, c'est qu'ils ont même sorti une université de Trials où ils t'apprennent justement à être meilleur à Trials. Mais je trouve que c'est fou qu'il ait sorti ça. Puis là, lui, il annonce que Trials va être un petit peu plus accessible. Puis c'était ça le problème de l'autre. C'est qu'à un moment donné, c'est rendu juste trop rushant. C'est tough en Christ. Tu frappes un mur, puis t'es plus capable d'avancer, puis c'est plate, tu sais. Mais moi, à Ubi, m'ont vraiment impressionné avec Division 2 parce que c'était pas un jeu que j'attendais, que je voulais, que j'étais intéressé. Honnêtement, là, ça va tellement être bon, ça. Là, ça mais les de jeux sens. De cam, mon gars, qu'il y avait pendant le démo, je me dis, ça se peut pas que ça soit ça. Puis c'est online. La caméra, quand reculait, avançait, marketing cam tellement is on. Comme... Ça, j'ai tellement dévoré. Check, Division 1, là, je l'ai acheté au PS4, j'ai fini le single player, puis j'ai été me perdre dans le Dark Zone. Okay. Après ça, je l'ai racheté à l'ordi avec les DLC, le Season Pass, quand il est tombé en spécial. Je me suis reclaqué le single player. Okay. J'allais me perdre dans le multi. Puis le jeu présentement, là, la patch, là, la dernière qu'ils ont sorti, je pense que c'est 1.8. Ouais. Ils ont vraiment, là, je te jure, sont dédiés à leurs fans. Destiny pourra en apprendre beaucoup. Au lieu de charger 59$ pour Forsaken qui va sortir sur Destiny 2. Man. C'est pas comme si j'ai déjà payé 120$ pour le reste, c'est-tu, puis je mériterais un jeu. Anyways, Entitled Gamer. Mais je trouve Destiny 2. Division 2. Bon, Division 2. Même là, c'est correct. J'avais comme des petits frissons en regardant le trailer. Vraiment? T'sais. J'ai juste vu, tu sais, anyway, j'étais avec vous autres, là. J'ai vu le rompre apparaître à rang. Je me suis assis comme un kid. En avant de la télé. Je regardais ça, là, puis j'étais absorbé. ça a tellement l'air nice. Puis là, ouais, la sérieux, twist là, la twist storyline gouvernementale. Ouais. Puis, mais j'ai aimé malade, le ça. J'ai aimé le genre de twist. Je pense que c'est une décision de level designer. Je sais pas c'est quoi qui a décidé ça. Mais d'être dans un fucking biodome weird tropical. Ouais. À sortir dans Washington, t'es comme mm-hmm. What the fuck? Ouais, ouais. Ça, j'ai adoré. Ben, c'est quoi, moi, au début, c'est parce que quand j'ai vu ça, je vois le rond orange, là, je fais comme ah, c'est Division. Mais là, je les vois mm-hmm. dans la forêt, là, je fais comme Ghost Recon. Ouais. Là, ils sortent dans Washington, je fais Division! C'est une cascade d'émotions, puis ce que je trouve cool Just en Dance? Plus, c'est ça. Puis il y a un ours qui danse, puis tu fais comme fuck! Rayman! Mais c'est, ce qui est cool en plus, c'est que présentement, t'as le directeur, je pense, le directeur ou réalisateur de Deadpool 2 qui va travailler sur le film de Division aussi avec Jake Gyllenhaal. Ah ouais? OK. Fait que ça a passé comme un peu inaperçu. Il en avait parlé il y a environ un an et demi. OK. Puis présentement, ce film-là, j'ai beaucoup d'espoir parce que je ouais. crois que ce film-là va être un bon film de jeu vidéo parce ben, que l'histoire à la est base quand même, ça se fait en film. Tom Clancy, ça se traduit en film. Exact. Moi j'ai l'impression que oh my god, it's Jason Bourne. Le film va être peut-être bien bon, mais ça va être un film de God Swat. Genre, j'ai pas l'impression que ça. Non, moi je pense qu'ils vont aller deep avec parce souvenez-vous des Division 1 là, tu sais, c'était triste là, le premier trailer. Ouais. Tu sais, je m'en rappelle, là... Le premier gameplay trailer, c'était fucking mal. Hey, moi, j'étais au E3 pour... Ouais, justement, c'était trop complexe. Moi, j'ai juste vu le gameplay trailer, puis j'étais comme... Oh, moi, c'est l'ami qui arrive en tablette. L'ami qui est en train de jouer son autobus sur une tablette, qui est en train de jouer le fucking drone. Puis là, son chum qui se login, son engage, puis il est comme, je m'en viens. Mais ouais, son taco. Non, mais moi, qu'est-ce que j'aime des affaires comme ça, c'est que chez Ubi, à quelque part, où c'est Massive Game, ça à quelque part ça se passait puis il faisait des tests puis il était comme ça marche quand même. Ça marche. Ah ouais, as-tu oublié l'année où il montrait Battle Tags sur le stage? Non mais c'est hot ça, Battle Tags. Tu connais ça, Dark Zone? Ouais, dans ton salon à 200$ le kit. C'était quelque chose. C'est jamais sorti. Oui, il est sorti. Battletag est sorti. Il est sorti, Battletag. Ouais, oui, sorti. Mais ouais, ça n'a pas pogné. Mais, mais le pire, c'est que ça, no joke, moi, honnêtement, être un peu plus jeune, mais en moyen quand même. Ouais, exact. Tu sais, pense-y, là, mettons, là, tu te pognes ça. Si t'as deux rangs de journaux, t'es capable de te le payer. Clairement. Puis après ça, tu sais, tu payes plus. Je n'avais trois quand j'étais jeune. Ah oui. Hey, pour pas que ça soit trop long, notre affaire. Square! On n'a pas parlé c'est de passé. De... Ah, c'est Final Fantasy VII, guys! J'ai pas écouté! Tu l'as pas écouté? Pas tout! Moi, passé à côté! Je voulais voir si on aurait plus de Tomb Raider. Il y en a eu plus, puis le démo était vraiment cool, ouais, sérieusement. Puis, tu sais, il y a vraiment. Tu vois que c'est prochaine évolution, puis tout ça. C'est un peu more of the same, mais c'est quand même mieux. Ben, c'est un troisième, là. C'est ça. Au troisième, généralement, c'est un troisième, mais il a l'air d'avoir un petit peu plus d'exploration que dans le deuxième, qui avait comme reculé un peu sur ce qui était dans le premier. Là. Le facial, j'aime pas dire ce terme-là, mais toute l'expression. Ouais, l'animation faciale était écœurante, le lighting était écœurant. J'étais sidéré, là, je regardais ça, puis ça. Je trouve qu'on est rendu à un point tel où on se rapproche vraiment, vraiment, vraiment d'une réalité. Là. Quand tu regardes, même, on va en parler tantôt avec Sony, mais même Last of Us 2, là, si je regardais le trailer, j'étais comme, ben oui. Holy fuck! On t'est-tu rendu à Sony? On n'est pas rendu à Sony, Trigger! Arrête! Ce que j'en ai à dire, calme-toi! Je voudrais dire aussi que dans Square, il y a eu Dragon Quest 11, le jeu dont personne ne parle nulle part. C'est ça! Il y a eu beaucoup de jeux dont personne ne parle nulle part. Ouais. Il avait comme fait un reveal du prochain jeu de Platinum Games, ouais, qui était Babylon's Falling, je sais pas pourquoi. Moi, je me suis dit, oh, OK, silence total. C'est quelque chose, ça. Ils vont sûrement ça va sûrement être sur le stage de Sony, quelque chose. Il n'y en a pas eu. Rien n'est pas là. Mais Dragon Quest XI a l'air écœurant, puis ils ont montré aussi Kingdom Hearts 3 qui s'en vient. Mais c'était le même trailer qu'il y a hallucinant, mais c'était... Ils l'ont montré partout. Ouais, le même sauf trailer. Que le meilleur gameplay trailer, il était dans la conférence de Sony. Fait que ça, on en parlera plus tard. Square aussi avait le mystérieux de Quiet Man. Oui! Oui, c'est quoi ça? C'est un jeu en FMV. Mais on dirait. Oui, ben c'est juste que dans le fond, tu vois le gars, il est devant deux thugs, puis là, les deux thugs sont comme. Il l'engueule, puis il fait signe. Non, je n'entends rien. Fait que là, le son coupe partout, puis il se met à se battre avec eux autres, puis ça dit, tu sais, tu te relies au sens plutôt qu'au son. Fait que je sais pas, peut-être le gameplay va être intéressant. En passant, tout ça, c'est pas dans un jeu vidéo, beau. C'est filmé en comment en pas time, payer des centres de designer? Comme Late Night. Late Night a des très beaux graphiques. Ah, écoute, c'est... J'ai un concept, c'est quoi, c'est y a pas sequel de Under a Killing Moon avec... Non, je sais pas c'est quoi. Mais c'était, Murphy, Tex Murphy. C'était vraiment, c'était lettre comme jeu. Je pense que ça va être un downloadable à 20$. Ouais, c'est ça. Disons que c'était comme une présentation qui brillait par les absences. Par les absences. Ouais. Ben, moi, je peux te conter une petite anecdote d'absence. Vas-y fort, vas-y fort. Je m'attendais, parce qu'une de mes séries de jeux préférées, c'est eux autres, genre, si on peut dire, puis c'est Hitman. Puis moi, non, je... Non, wow, attends, c'est okay. Ça mon esti okay. D'affaire. Je l'écoutais tout le long en me disant, il va avoir du Hitman. Juste pour me rendre compte que Hitman, et c'est Warner à Star. Ouais. Puis j'avais c'est carrément même plus, pas hey, c'est même plus Warner. C'est qui de base? C'est Warner EO, qui... Non, c'est EO, Tencent. Acheté, EO Interactive. Ouais. EO, ils ont racheté la franchise qu'ils ont créée. Mais en tout cas, dans... En vendant 15% ouais. Tencent. Quand ils ont montré le trailer, Tencent en tout cas... Tencent has 10% of everything. Tencent, man. Ouais. Mais il y avait une présence au E3, par exemple. Tencent sur chacune de tes Il était dans la conférence PC, finalement, que je planifiais pas regarder, mais j'ai... à jouer quand j'étais devant ma TV. Ouais. Fait que finalement, j'ai vu mais Jet ils ont fait Man un 2. Événement avant le E3. Ouais. Je l'avais pas vu. Intéressant. Le PC Gaming Show, moi, je l'ai écouté. C'était-tu moins cringe que l'année passée avec le host? Mais la fille était très cringe. C'est un... Comment je peux dire ça? On dirait que c'est comme un Kickstarter diffusé au E3. Notre Early Access va être disponible à partir de telle date. Puis c'est tout des Battle Royale / Space Exploration Building Simulator en VR. Ou bien du VR louche ou il y a comme des trends qui partaient, tu sais, c'est comme tantôt quand vous êtes arrivé, tu sais, il y avait un trailer, c'était genre Neo Cab ou c'est un jeu de cartoon que tu es un taxi dans le futur puis le tagline c'est Stay Human. Okay. C'est un jeu de chauffeur de taxi. C'est quasiment Death Stranding. Tu comprends? Neo Taxi. Neo Taxi. Neo Cab. Neo Cab. Neo Cab. J'attends encore Space Taxi. Pendant le je sais qu'on parle pas de ça vraiment, mais pendant le PC Gaming Show, le gars, après une bonne heure quasiment un quart là, de parlage, il a vraiment présenté un des derniers jeux en disant. This is the last battle royale game of the event. Parce qu'il y en a eu comme 8 avant, genre. Fait que là, c'est comme c'est le dernier. Ah ouais. Puis après, on a un autre jeu fini c'est là. C'est lui qui en a comme 1000 joueurs dedans qui disait, là. C'est pas lui que moi j'ai vu, en tout cas, en ce bout-là. Mais 1000 joueurs dans un battle royale, je commence à trouver que. Hey, ça a pas de sens. Il y a un jeu que je vais garder pour mon top 3 tantôt, parce que je suis sûr que vous le nommez pas, qu'il était dans le PC Gaming. Puis je vais le nommer juste parce que je sais qu'il va se rendre un moment donné. Ok. À console, fait que je vais le mentionner tantôt là, mais surprise. Sûr que non, vous saurez pas c'est quoi. Un jeu de PC qui va finir sur console. Oui. Ça arrive des fois ça. dans 5 ans, 8 sur Switch. Mais y a-tu d'autres choses d'intéressant au non. Square? J'ai-tu comme on s'attendait non. Parce que à Square, fait... ben c'est toutes des affaires qu'on s'attendait c'est en des fait, jeux, qu'on beaucoup savait. De... Ouais, des jeux RPG japonais de série là, tu sais comme des expansions de Final Fantasy XIV. Oui, pour tous ceux qui oublient que Final Fantasy XIV is a thing. Oui. C'est des extensions pour 15? Non. Non. C'était 14. Non, mais il y a un crossover avec Monster Hunter sur le online, sur le 14. Ah, ça c'est le fun. Okay, moi, j'aime ça que les espèces de crossover farfelus parce que là, on surtout le sait. Surtout que c'est pas la même compagnie. C'est ça, c'est pas Capcom, la même compagnie. Là. Mais en plus, ça veut dire que Capcom, eux aussi, vont mettre quelque chose de Final Fantasy dans Monster Hunter. Donc ça, pour on espère. Ceux qui... Je pense qu'il y a plus de joueurs de Monster Hunter que de joueurs de Final Fantasy. Ouais, puis il y a eu la grosse nouvelle de Square qui a fait le plus triper le monde, c'est que les chats reviennent dans Monster Hunter. Ils les amènent dans Monster Hunter World. Non, non, en tout cas, j'ai vu du monde capoter. Mais non, mais c'est qu'ils amènent dans Final Fantasy. Ok, c'est dans c'est Final ça. Fantasy ben non, qu'ils amènent. Les chats sont toujours au cœur de Monster Hunter. Okay. Voyons, de quoi tu parles, Bruno? Ben, je joue pas à Monster Hunter. Tu fais honte à Rétro Nouveau, là. Ben, t'es là pour rectifier le tir. C'est ça. Et vous pourrez appuyer à rebalancer vers le bas un peu aussi. Donc là, en réalité, là, il est rendu 9h20. Là, on a faudrait pas fait nos top 3, puis il nous reste, me semble, là, un gros morceau. Là, il faut parler de Sony et de Nintendo. Sony, là. Ouais. Exact. Il nous en reste deux des conférences. Après la pause, je propose qu'on finisse Sony. Ouais. On va après ça aller. Ben, on devrait finir Nintendo ouais, aussi. Sony, Nintendo. Puis Nintendo après ça, ouais. C'est ça on va y aller vite. Les vraies affaires, Sony, ça va se faire vite. On est capable de battre ça en 20 minutes. 15 minutes maximum. Donc 15 minutes maximum à partir de maintenant. Twitch, vous nous avertissez si on dépasse. Yes. Fait que Sony. Sony. Moi, je dirais qu'en partant, je vais dire que Sony, j'ai pas pantoute aimé la formule. Je suis un gros fan de Sony, puis je trouve que de plus ça avance, plus plus ils ont pas le sens du rythme côté présentation. Par contre, j'ai trouvé que les jeux étaient là en sacrifice. Il y avait vraiment comme une belle présentation. Il y avait justement beaucoup de gameplay, chose qu'on voit pratiquement jamais maintenant au E3. C'est tout le temps une affaire. Ça s'en vient en 2019, ça va être telle affaire. Ça par va gameplay, être un peu tu veux dire du vrai gameplay? Du vrai ou gameplay. Simulated gameplay. Ben moi, je pense qu'il y a des affaires. C'est toujours un peu simulated à la ouais, fois. C'est scripté, mais au moins, c'est du gameplay. Mais j'ai plus cru, personnellement, j'ai plus cru au gameplay de Ghost of Tsushima que celui de Last of Us. Last of Us, j'y crois pas. Hey, c'était pas le perfect sens. Run. C'était vraiment, c'était juste un peu too much, puis le gars qui supplie, puis tout, puis j'étais comme... Mais non, je pense qu'il y a des choses comme ça, comme Fred dit, ça peut arriver. C'est un perfect c'est run. C'est tout calculé, ouais. Mais c'est des choses qui peuvent arriver si ça donne au c'est perfect sûr. Run. Moi, je pense sûr qu'ils l'ont arrangé, ils l'ont scripté pour que tout ça arrive, pour que ce soit les bonnes animations. Ouais. On s'entend que le gars, réactions. Ça fait deux ans qu'il joue ça, aussi à tester cette même scène-là. Si fait que j'ai 80% de ce que j'ai vu de Last of Us, je vais être heureux pareil. Parce oui, totalement. Je vais en avoir plus. Hey, God of War, moi, j'étais le premier sceptique à voir ce jeu-là pour faire comme « ouais, c'est un peu too much ». Puis honnêtement, j'y joue en ce moment, puis je suis vraiment impressionné justement par le fait qu'ils l'ont livré. Fait que tu sais, quand je regarde Last of Us 2, je me dis, ben écoute, il n'y a rien là-dedans qui est tellement advanced non plus. D'accord. Je veux dire, c'est juste du stealth, tu tapes du monde. C'est, je veux dire, Killzone 2 c'est ça, tu construis 2005, pas, tu construis pas des structures dans des univers parallèles, puis en open world, là, je veux dire, c'est, c'est un truc linéaire. Ouais, mais des fois, c'est un bon jeu avec une bonne histoire qui vient te chercher par les émotions, puis c'est la seule affaire qu'il faut que tu joues et que tu filmes. Mais on dirait en même temps, c'est ça, moi je trouve qu'on dirait que Sony, avec le temps quand même, ont compris qu'ils ne peuvent plus présenter de quoi qu'ils ne sont pas capables de livrer. Puis je trouve qu'ils attendent plus avant de montrer un gameplay. Puis justement, Days Gone, comme tu disais tantôt, c'était buggé. Puis ils l'ont comme montré vraiment rapidement. Non, Days Gone, t'sais, là, ils l'ont mis là, on the side, là, ils l'ont vraiment pas mis. Ben, juste Days Gone, tu sais, on a vu récemment dans le gameplay, là, l'élément RPG qui a fait surface aussi, ça a pas fait l'unanimité sur Internet. Tu sais, le fait que tu battes un zombie dans la tête, puis là, whoop, 225 apparaît, puis là, t'as des gars, vous avez fait le monde, en fait, oh, t'as peur là, c'est pas à ça qu'on s'attendait. Ben, c'est, C'est comme weird parce que on dirait il y a toujours l'option de cacher ça dans le HUD. Là whoop, c'est revenu dans une autre chose, puis les gens sont pas nécessairement prêts. Mais c'était nice Sony sur une chose, c'était les jeux étaient époustouflants. Oui. Mais j'ai pas catché le on va vous commencer dans une petite église, pareil c'était... comme dans le trailer. Ouais, puis là, on va vous faire changer de place. C'était pour faire c'était poche en plus après ça qu'il y a assez de showman. La joke de Hitman. The Kingsman. Non, The Kingsman. Ouais, ça finit pas comme Sony dans Kingsman. Sony-owned property en passant. Ouais, exact, c'est ça. Exact. Mais tu sais, moi j'ai trouvé que ça, justement, il n'y avait pas de rythme. Puis avec le fameux dude qui joue de la flûte, c'est un de mes moments favoris de trois de tous les temps. Parce que c'était tellement drôle. Puis avec ses moves quand il plie les genoux, puis qu'il est vraiment dedans, puis qu'il fait son solo. Il y a un bon gif là-dedans qui n'est pas sorti. C'était écœurant, hein, sérieux. Là. Mais c'est ça. Pour le Sony, j'ai eu la chance d'être au PlayStation Experience avec Mario. J'ai eu mon beau nom Mario écrit aussi. Avec Eric RDS, qui faisait aucun sens, mais c'était mental. Mais j'étais allé à cette affaire-là dans une foule remplie de fans de PlayStation. Moi, je pensais que c'était un événement médiatique, mais il y avait juste une rangée média. Le reste, c'est ouvert au public. Tout le reste, c'était du public ouvert, du monde qui remplissait les derniers plans et tout. Puis il y avait plein de moments de awkward, weird silence dans la foule. Totalement. Avec raison, mais à chaque... Moi, le trailer, le gameplay de Last of Us 2, puis je suis le premier à dire, Last of Us 1, je l'ai acheté, j'ai joué les premiers 3 heures, je pensais que c'était le meilleur début de l'histoire du jeu vidéo. Pour moi, j'ai tellement aimé les débuts. T'as écouté la fin sur YouTube, toi, avec, hein? J'ai juste pas continué le jeu, mais j'ai adoré l'expérience du début. C'était tellement une narrative de fou, c'était du Naughty Dog à son meilleur. Ouais. Puis voir ce trailer-là sur un écran, voir ce gameplay-là sur un écran cinéma, voir Ghost sur un écran cinéma... voir le reveal de Resident Evil 2 où ce qu'une foule fucking Norvir est fou en ça, le voyant. Ça, là, c'était cool. C'était mental. Puis, je veux dire, le pacing était weird as fuck. Ouais. J'essaie juste de m'imaginer la personne en charge de la logistique de cette fucking affaire-là. Ouais, comment ça, est-ce qu'il voulait se couper les veines. Il a sauté une nest. Lui ou elle a sauté une nestie de brosse ce soir-là. Mais c'est-tu quoi? Je pense pas, moi. Fuck, man, c'était weird. Ça moi, je pense que c'est tout calculé, mais c'est calculé pour les gens qui sont en salle. Puis c'est ça le problème de Sony depuis des années. Ouais. Ils font leur show pour les gens qui sont en salle. La même affaire s'était passée. L'année passée, ils avaient fait leur show, puis ils avaient fait Days Gone, puis il y avait des corps qui étaient pendus dans les airs sur le stage, tu les voyais partout. Toujours agréable. Hyper d'ailleurs. Impressionnant en salle. Puis quand ils montraient ça à caméra, ils tournaient à caméra, puis tout, tu voyais pas encore. Ça servait absolument à rien, tu sais. S'ils viseraient la salle, il n'y aurait pas eu les commentateurs à la wannabe IGN étaient là pour nous feeder du Call of Duty. Ça, c'est du Twitch. C'est comme... Puis je trouvais ça weird qu'ils fassent ça. Mais eux autres, ces commentateurs-là, eux autres, c'est eux qui s'occupent du PlayStation Blog, puis c'est eux autres qui s'occupent du podcast officiel, puis tout ça. C'est eux autres qui parlent avec le community toute l'année. Fait que c'est quand même du monde qui sont en contrôle de leur shit, mais ça n'a pas d'affaire dans une conférence. C'était juste comme on dirait que justement ils faisaient comme trailers, hey, on s'en va faire un podcast. Mon impression, montrer des trailers. Le pacing était off pour une raison, selon moi, c'est que moi je suis sûr et certain qu'ils ont coupé du contenu. Ils avaient préparé certaines annonces, ils avaient préparé certains reveals, puis ils ont vu les autres aller. Puis tu sais, t'as un certain luxe quand t'es pas le dernier parce que Nintendo passe après toi, mais techniquement t'es le dernier parce que tout le monde est passé avant aussi. T'as un certain luxe de faire « Je suis vraiment obligé d'annoncer ça là? Ouais. »« Je suis vraiment obligé de... » Mais aussi, ils ont appris là-dessus de ne pas présenter les affaires. C'est coûteux, mais rappelle-toi... Ils veulent pas un autre No Man's Sky ou Last Guardian. C'est pour ça qu'ils présentent plus rien. L'année où on avait les annonces mécomprises de Microsoft, qui ont filmé Sony, leur vidéo ultra sketch rapidement, genre « Hey, on s'est vraiment partagé un jeu! » Puis là, ils se donnaient le jeu. Ouais, mais ça, l'annonce de Microsoft avait été faite bien avant. Ils n'avaient juste à reparler à l'E3. Mais ça avait été fait avant quand même. Je suis persuadé que le contenu a été coupé. S'ils avaient fait ça, je pense qu'on n'aurait pas vu le même style trailer de Kingdom's Hearts 3 pour la troisième fois cette soirée-là. Ouais. Parce que c'est toujours le même trailer avec Elsa. Moi, quand j'ai vu Elsa arriver en courant, j'ai fait, ben voyons, Chris. Sauf que moi, je parle d'un point de vue où le trailer de Kingdom Hearts, ils ont just sealé le deal avec Square. Fait que ton partenariat est just sealé. Fait que tu y donnes ton exposure pendant ton show. Moi, je pense que c'est des annonces de Sony eux-mêmes. Parce que souvenez-vous, on a juste eu du jeu. Ils n'ont pas parlé de stratégie de console. Ils n'ont pas parlé de what's to come. Ils n'ont pas parlé de rien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des trous là-dedans qui ont fait peut-être, fuck it, on rentre pas tout de suite. Ben, en même temps, moi, je trouve que c'était une bonne stratégie parce que justement, contrairement aux autres, ils ont montré du gameplay. Puis ils sont allés dans le concret plutôt que d'aller dans le, tu sais, hey, regarde, ça flash, man. Non, là, flash, là, t'es super impressionné, mais après ça, une fois que t'arrives après le 3, t'es juste comme, ah, c'était nice. Puis là, tu check le pre-order, puis il est comme fucking loin, puis t'as 2020, mais moi, tu vois, c'est je trouve que c'était dans mes conférences préférées, même si le pacing était off. Même s'il n'y avait pas trop de gros reveals, il n'y avait pas de surprise beaucoup à part Resident Evil 2, que ça, honnêtement, quand j'ai comme catché que ça allait être ça, là, j'étais dans mon salon. La seule vraie surprise, si on peut dire. Là. Mais tu sais, personnellement, l'année passée, à notre podcast, j'avais dit que le 3, j'étais un peu gavé justement de toutes les affaires préparées, scriptées, tu sais, les cotis. Puis cette année, justement, le fait que Sony ont joué à leur jeu, tu sais, à chacun des jeux 10 minutes, crime que j'étais content de voir ça. J'étais content de voir du gameplay. C'est ça que j'achète. Deux jeux qu'on va voir cette année. Entre autres, comme dont Spider-Man qui sort dans 3 mois. Ce jeu-là, il n'y a pas eu de démo avant vraiment le 3. Il y avait des petits snippets un peu partout. Puis là, ils sont arrivés avec une grosse démo de genre, checky, man, il y a les Sinister Six ou presque. Ouais. Sinister Five. Parce que tout là. Qu'il y avait Sinister Six. Mais tu sais, ils ont juste comme hypé la patente. Puis là, c'est comme, hey, by the way, ce jeu-là, tu vas pouvoir y jouer en septembre. OK. Ouais. Tu sais, c'est parfait. Moi, c'est ce que je m'attends d'une conférence, c'est de voir des jeux du gameplay. Je trouve ça super cool de voir des trucs comme Cyberpunk 2077. Ouais. Mais tu sais, c'est un univers que tu me vends, puis j'y adhère, mais je veux dire, j'achète pas des univers, j'achète des jeux. Ouais. Fait que tu sais, je veux, montre-moi à quoi je vais jouer. C'est ça que j'aimerais. Ben, surtout qu'eux autres, ils ont le luxe d'avoir le PlayStation Experience. Fait que je pense que maintenant, ils ont vraiment une approche différente. Un peu comme Nintendo avec les Nintendo Direct. C'est ça, exactement. Ils sont pas obligés d'aller all-in d'une shot. Puis moi, je voudrais mentionner aussi le gameplay qui a l'air un des jeux les plus plates de tous les temps, Death Stranding. Ouais. Ça a vraiment l'air d'être de la merde. UPS, c'est ça toi tu dis. Ouais, pas Eric là-dessus. Facteur, c'est partir tantôt. Non, mais je suis pas, le top 3. C'est juste, j'aime l'inconnu de Death Stranding. Il ouais. Y a quelqu'un qui t'a mentionné dans le chat à propos de Control de par Remedy. Ben ouais, ouais, ouais. Mais j'aimerais juste adresser le fait que Remedy a toujours fait des estis de bons produits que le monde a ignoré à cause que c'était ouais. sur les produits Microsoft. Exact. Et là tout d'un coup, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Ça sentait sur le oh my god, Remedy c'est fait comme un jeu sur Sony finalement il va être bon. Hey, non, ils ont toujours Quantum été Break. Bons ben ouais, ben ça dépend Quantum Break. Quantum Break Second Chance. Ouais. Non mais Quantum c'est Break. C'est ça, il y a un gars de Easy Allies, il dit Quantum Break Second Chance Edition, je trouve en fait, ça malade. C'est Quantum Break c'est Gender Bent Edition. C'est genre no guy from Game of Thrones in this one. Mais moi personnellement, c'est une de mes meilleures surprises Control, j'ai fucking out. Mais non, Death Stranding, non, là, non, honnêtement... C'est un hobbit. Moi, ça m'a fait capoter hein? parce que ça fait deux ans... Ah, mais c'est vrai que... OK, excuse-moi. Ouais, c'est ça, les deux sont là. Moi et Fred, on s'en regarde et on est comme... Il y a le dude de Game of Thrones. Moi, je suis comme, non, il y a le dude de Lord of the Rings. Les deux, on a raison. On s'estime. C'est beau ça, quand ça arrive sur Internet, ça. Deux personnes qui s'estiment et qui ont raison, les deux. C'est ça, Death Stranding, là, je trouve que c'est le genre de jeu qu'à chaque année, je le vois au E3 et je suis comme... Ah, oh, that's nice. Cette ouais. année, il était jouable. Il était jouable. Du gameplay, moi. Tu pouvais livrer ouais. un colis. Ouais. Mais tu sais, c'est s'enfarger dans des roches. Et quand tu s'enfarges dans l'eau, mon gars, que... le colis tombe. Puis que le colis tombe dans c'est l'eau. C'est comme, oh, au moment de ça. Moi, je dis, ça, c'est un quick time event que t'as manqué, dans le fond. C'est pour ça. Qu'est-ce que j'arrive pas à catcher, c'est quoi? Puis là, le monde s'excite parce qu'il y a une fille avec un parapluie louche qui mange des coquerelles. Un bébé jaune. Ouais. Kojima, là, honnêtement, là. Moi, Kojima, je trouve qu'il est overrated, personnellement, ouais. là. Ben, mais moi, je pense que c'est le gars qui expulse populaire. Ses démons par l'entremise de jeux qui sont carrément louches. Ouais. C'est un cri à l'aide. Puis, ça fait des années que Kojima, il crie à l'aide. Puis, que le monde fait comme ce gars-là, c'est un génie. C'est pas un génie, il est juste pas mal. Mais il est original, en fait. C'est ça l'affaire, c'est ça. Il était overrated à Metal Gear 4 dans mon livre. Pis là, il est juste rendu batshit fucking crazy. Ouais. Pis c'est intéressant, là. Oh, là c'est ouais. intéressant. Mais moi, j'ai juste un commentaire à finir sur Sony. C'est que je trouve que c'était plus une conférence de publisher de Sony Interactive Worldwide Studios. C'était pas une conférence de PlayStation. C'est ça. Hey, ils ont montré le nouveau jeu de From Software. Un VR. C'est un jeu game. De VR. Après, que tu es un robot. Horticulteur oui. défectueux. Ça dirait vraiment que c'est From Software qui font fuck off. Ils ont fait Bloodborne 2, moi, jamais. That Bloodborne 2 money. C'était n'importe quoi, là. Honnêtement, j'ai vu le trailer. Hey, on se fait caler qu'on va buster le temps, là. Ah, sorry. Le combo, il dit Nintendo, mais on dirait qu'il agit comme si il y a des choses à dire. Faire la transition vers Nintendo. Nintendo. Non, mais gars, je veux juste parler que tu vois, moi. Ouais, attends. Sony, j'ai trouvé ça plate. Le pacing, pas les jeux. Oui. C'était boring. Le gars, il est pas charismatique. Les podcasts, comme on vous a tout dit, là, c'était boring as fuck. J'ai aimé Last of Us. J'ai jamais joué au premier encore. Je l'ai dans ma PlayStation 4 depuis que je l'ai acheté. Puis j'ai juste jamais joué. Peut-être que je vais faire le 1 puis le 2 tout de suite après. Ah puis oui? sinon, c'était Spider-Man. Oui. Le reste du temps, là, tous les autres jeux que vous avez nommés, là, Death Stranding, puis toutes les autres, j'étais comme, ah, c'est lourd. Oui. C'est long, c'est lourd, passer à d'autres choses. C'est tout. Comme un colis. Comme un colis. Pour transitionner à Nintendo, oui. je vais dire quelque chose de Nintendo. J'ai trouvé ça lourd pendant une demi-heure d'avoir du Smash Bros. Même si il me tente, puis que c'est comme le Ultimate Smash Bros. Edition ah ouais, que ça, tu pourrais cool. jamais c'est avoir cool. parce ouais, que t'as tout le monde puis et plus. J'aurais aimé découvrir plus. Tu sais, il aurait pu dire they're all there, ils sont tous présents, puis juste faire une photo du splash screen du character select. Ouais. Pas une vidéo qui montre tout. Hey, tout, c'était vrai, tout, c'était tout vrai, le monde. Non, très là. Détaillé. Ça ressemblait à notre spécial E3 d'année passée où on passait par-dessus tous jeu. Les jeux. Chaque annonce. Bruno avait listé mais, toutes les annonces. Allez regarder mais ça. C'était s'il vraiment, vous plaît. C'était juste anal là, à quel point il fallait qu'il passe sur hey, tous les c'est bonhommes. Genre, hey, c'est même une explication avant. Là, le numéro du bonhomme, c'est l'ordre dans lequel. Comme si on est trop cave comme, pour catcher. Non, laisse faire. Fais des flash hitting. Je sais pas si t'as remarqué, mais ils font pas le même son. Chris faisait le même son. Hey, ouais, c'est ça, on regarde mais il craque. Hey, ah ouais, les deux dos de Fire Emblem qui arrivent puis là ils ont pas la même voix, c'est comme hey. Ça se vend combien ça Super Smash machin 90. Moi je pense que je vais juste donner 90$ à quelqu'un parce que pour moi Super Smash c'est payer pour acheter un jeu qui est fait pour jouer avec d'autres mondes qui vont être tout le temps meilleurs que moi puis me crisser une volée. Oh, oui. Ils l'ont tous déjà annulé le jeu, fait qu'achète-le pas. Ça n'a pas de sens parce que j'ai pas le temps de devenir bon à Super Smash. Ouais. Puis je pense que j'ai pas bien bon à Super Smash. J'ai pas les aptitudes pour devenir bon à Super Smash. Ben écoute, moi honnêtement, du temps. Ça n'a pas de sens. Moi honnêtement, je trouve que le jeu est super cool. C'est quelque chose que j'achèterais, mais je vais l'acheter seulement s'il y a un single player comme avant, qui était le worst, cringiest fanfiction ever. Parce que, tu sais, tous mes amis avec qui je jouais à Smash, ils sont tous rendus, on est tous éparpillés, ils ont tous des enfants, on se voit quasiment jamais. Puis si on se voit, on va pas jouer à Smash. Ouais. Par contre, si je peux jouer à Smash en ayant l'impression d'être allé dans le journal intime d'un petit garçon de 12 ans qui écrit son histoire avec lequel Mario puis Samus se promènent dans l'univers de Kirby, ça je vais l'acheter. Ah oui. Et puis Ridley qui tue Mario là, Bros. Ridley, et puis te stab Mario. C'était violent. Ouais, c'est complètement fucked up quand ils ont annoncé quoi d'autre sinon? Ils ont annoncé... J'ai une opinion sur Smash. En restant sur Smash comme animateur et DJ chez Arcade MTL, le plus grand des animateurs où ce que Smash Bros nous apporte plein de fucking joie mentale, j'ai hâte d'apporter Smash à ça. Puis il faut juste qu'on accepte que Smash c'est juste pas pour nous. Smash on est des fans de Smash, clairement. On est revire fou puis on est excité. Ouais. Mais j'ai une affaire, un quote drôle que j'ai écouté les gars de Giant Bomb, Jeff Gershman, qui est allé voir sur le plancher le démo de Nintendo. Puis la ligne, tu sais, quand tu vas dans des démos de conférences comme ça, quand t'as des show floor, t'as toujours les reps qui sont là, puis tu vois qu'ils ont leur ligne préenregistrée. Ah, ouais. La ligne préenregistrée pour Smash Ultimate, c'est Ultimate, c'est ça? Ouais, Ultimate. La ligne de Smash Ultimate, c'est Thousands of Changes from Smash 4. Ouais, il répète, il est là, puis il dit fuck, man, la personne me l'a dit 5 fois facile, qu'il y avait des 1000 de changements par rapport à Smash Bros. 4. Qui m'a fait un peu réaliser que c'est un peu une suite c'est un super Smash port 4, ouais. Un super port boosté dans le tabarnak. Puis ah, c'est quoi, c'est bien correct ça. Mais c'est ce qu'il fallait faire là. Bon, les manettes GameCube qui ont été là-dessus, les GameCube Limited Edition, perdez pas Switch, toutes les affaires ça. Comme ça. Ouais. Excellent. Ouais. Puis pour les non, mais elle est excellente la version Wii U. Non, ouais. Ouais. C'est correct qu'il ait fait perdez ça. Pas de moi, j'aime qu'ils ont pas fait un système de progression comme dans le nouveau Mario Kart. Le nouveau Mario Kart, la version Wii U, tu débarrais tes affaires au fur et à mesure. La version de luxe, t'arrivais pis t'avais tout. Fait que t'avais comme rien à faire. Je confirme, t'as pas tout. Non, il faut que tu commences avec 8 bonhommes. Mais, ouais. T'as 8 bonhommes, tu débloques les non, mais attends, c'est ça que j'allais dire. C'est que dans Mario Kart, t'arrivais pis t'avais quand même la grande majorité du contenu. Ouais. Tu t'allais débarrer des parts de char, mais toutes tes courses, ils étaient là. Tandis que là, dans Smash, au moins, t'as 8 bonhommes, puis après ça, t'en débarres d'autres. Ça te force ça, à jouer avec les autres, ça force avoir à jouer, story. C'est ça. Il faut un story mode. Ça, c'est intéressant, tu sais, qu'il ait mis ça. Mais quand même, c'est juste de passer 25 fucking minutes là-dessus. Je trouve qu'il aurait dû garder ça pour le Treehouse. Mais il avait fait la même affaire c'est avec ça, Zelda. Zelda, il avait fait la même chose. Tout ouais. le 3, il y a 2 ans. Mais on est en train de se cramer dessus en regardant ça. C'était excellent. Ça dépend qui. Ben moi, Zelda, aussi, un moment donné, je m'étais ennuyé. J'étais comme Chris, un moment donné, je l'ai vu. Parce que c'est ça, le reste de la conférence, il y avait des affaires. Moi, j'ai trouvé que c'était correct. Là. Ouais. Je me suis pas enflammé comme certains, ni fait brûler toutes mes affaires de Nintendo comme d'autres. Mais tu sais, je trouvais que il y avait des affaires intéressantes. Le Mario Party, ça avait l'air cool. Ouais. Il y avait plein de petites annonces. Moi, c'est comme... Damon Ex Machina. J'ai ouais, vraiment il y avait des petites hâte, surprises, mais c'est moi, ça. Moi, je pensais que c'était un Zone of the Enders quand je l'ai vu au début. Ça a été hop. J'ai fait Zone of the Enders. Puis là, après ça, j'ai fait Non. Moi, je pensais que c'était Omega Boost. Non, mais c'est Marvelous qui est derrière ça, puis c'est eux autres qui ont fait les No More Heroes. Puis tu sais, ça ressemble vraiment à un genre de jeu de Platinum aussi, tu sais. Ben speedy et tout. Fait que moi, ça m'intéresse au bout. En plus, la trame sonore est écœurante. Puis tu sais, c'était fucking violent, direct en rentrant dans la conférence. Pis ça a coupé ben sec, direct au début. Puis il y a eu l'annonce de Fortnite qui était disponible Fortnite? Maintenant. Sérieux? C'est quand même un gros coup. Sérieux? Tout le monde l'attendait. J'ai downloadé puis j'arrête pas de jouer. je suis comme, c'est la version, tu sais, c'est, on s'entend, c'est, j'ai une c'est Xbox One X. C'est la version qui d'enfant que tu peux battre facilement. C'est ça. Je pense que c'est la version dans laquelle je suis le meilleur en ce moment. J'avoue, je vais essayer ça, j'ai pas pensé à ça. Mais tu sais, je jouais, j'étais comme Chris, une fois. Je me suis dit, j'ai toujours joké, tu sais, que j'allais jouer ça à bol, ben ouais. Si je l'ai fait. C'est fait, c'est maintenant. C'est fait maintenant, j'ai passé un petit 15 minutes, une partie. Est-ce que tu vas acheter la nouvelle manette? Pokéball pour jouer sa balle. Non, mais on va parler de Pokémon. Pokémon, moi, mais c'est Pokémon Go. C'est Pokémon Go. Ben oui, mais c'est comme. Non, mais c'est plus. Il est 3D, là. Ouais, mais il est comme là, mais c'est juste quand tu vois d'autres trainers. À Star, tu bats plus des Pokémon. Quand tu veux te battre, faut que tu vois des trainers. Moi, mes deux kids, il y a juste ça qui est important pour eux autres présentement. C'est sûr. Tu sais, quand Pokémon Go est sorti, c'était tout le temps genre ah pêche puis tu sors ton cellulaire pour aller jouer dans la rue puis failli me faire foncer dedans par un char, fait que tu sais ça te tente pas pantoute, c'est sûr, fait que là ils ont comme trouvé la solution parfaite à ça, fait que ça va être un cache-cœur, mon gars, il va tellement. Nous sommes arrivés à la fin du segment Nintendo, apparemment dans le temps qu'on s'était alloué, messieurs, fait qu'on se fait envoyer des Doritos et des Time's Up par Guillaume. Merci Guy. Good, merci. Fait que un wrap up 30 secondes Nintendo. Ben, Metroid Prime 4, ça a l'air malade. le jeu 2D weird, je suis jamais capable de prononcer, de Square RPG, ça a l'air malade aussi. Ouais. J'ai hâte de racheter les mêmes jeux que j'ai acheté déjà 6 fois avant. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas tant impressionné que ça. T'as pas obligé d'argent de ton compte de banque, toi. Non, moi, il s'est vraiment rien passé. Puis tout mon cash se passe ailleurs, je vais vous dire ça tantôt. Bon. Fait que, guys, ce qu'on va faire, on va aller prendre une courte pause d'environ une dizaine de minutes. On va aller faire un petit papier des breuvages d'adultes, le kit. Et on revient. Fait que sur ça, je vais vous laisser avec de la musique sans droit d'auteur. Au revoir, à bientôt. Bon, bienvenue sur Twitch. Les avantages du Patreon. Salut tout le monde. Fait que là, on fait le top 3 de nos meilleurs jeux, meilleurs moments. Puis on va parler des gars de Rétro Nouveau qui sont pas avec nous ce soir, qui nous ont envoyé le commentaire. Et entre autres, Dominique Bourret, a.k.a. Papa Cassette, qui lui disait que ça a été pas mal tranquille de son bord. Puis ce 3-là, il trouvait pas si intéressant que ça. Mais il a quand même trouvé le trailer de DMC 5 très badass. Fait que DMC 5, oh my god, Cyber Dante. Ouais, Devil May Cry 5. Hey, moi ce que j'aime de Devil May Cry, c'est que tout le monde chiale à toutes les fois, puis le jeu c'est juste comme yeah, fuck you. Ouais, ouais. Moi je trouve ça tellement, je trouve que c'est comme un pied de nez au fanboyisme. Ouais. Hey, le DMC de Ninja Theory, là, c'est il était bon. Il était cœur. Il était vraiment bon. Qu'il reçoit la wig blanche sur la tête, fait comme no way. Les On a Guillaume qui est avec nous, qui troll, qui dit Devil May Cry ou le reskin de Metal Gear Rising. Non. Ouais, je sais pas. On nous mentionne aussi que ça serait Nero le perso. Ouais, c'est Nero le personnage principal. Mais on voit à la fin Dante en moto qui a l'air vraiment comme d'être batshit. C'est qui Nero? Nero, c'est le personnage dans le 4. Ouais. Il est comme un genou. C'est comme un genou qui entraîne, mais il est là, Dante, aussi, dans le 4. Oh, il est là aussi. En passant, DMC 4, version remastered sur PS3, PS4 et Xbox One. Worth it, là, c'est fucking sur le Game Pass aussi, me semble. Sur le Game Pass, oui. Battletoads. Ouais. Nick, lui, c'est quoi d'autre? That's it pour Papa Cassette. Après ça, il est allé faire dodo. GF Crump, a.k.a. Jésus, notre Jésus national de Rétro Nouveau. Lui, il dit My friend Pedro, que j'ai mentionné tantôt, il dit pour le look, l'originalité du gameplay. La banane. Après ça, le DLC de Cuphead, de nouvelle île avec 4 sections, un nouveau personnage jouable, c'est vraiment cool. Raison de retourner au jeu. Après Mario Party Switch, lui, il dit que l'utilisation de plusieurs Switch, je trouve ça vraiment cool. Enfin, on va pouvoir les utiliser en gang. Ouais, exact. C'est un excellent jeu. Powers come back. Après ça, être fourré, savoir. C'est la Switch à qui? Ouais, exact. Maintenant, tu vas juste besoin d'une copie pour jouer aussi. Là. J'espère. Ça, j'espère. Et GF, évidemment, qui est notre gars perdu dans le VR, il donne des mentions spéciales au VR du E3. Il trippe Transference, qu'il a vraiment beaucoup aimé. Le robot Arcane jardinier. Hellfire. Ça, c'est déraciné. Oh, merde! Puis c'est ça. Ça, c'est un DLC multijoueur online pour Archangel Hellfire. Lui, il disait que, bon, c'est grosse déception, il n'y a pas eu d'annonce d'un jeu de course comme Star Fox ou Wave Race pour la Switch, pis ça l'écœure, puis il n'a pas aimé le pacing de la présentation de Sony. Puis il disait, feeling général du E3, bon temps pour être un gamer, plein de jeux variés, il y en a pour tout le monde. J'adore juste comment est-ce que Dom, ses deux jeux, il est allé se coucher. GF, c'est genre, GF, c'est... hey, good time to be alive. T'es pas là, GF. Ouais, GF, là, c'est tight sur l'affaire. Puis après ça, il me dit, de toute façon, Devolver gagne tout par défaut. Bon. Et après ça, Fred GMU, qui est pas avec... Non, c'est une joke. C'est parce que je regardais dans mes messages Messenger puis t'étais là. Nick Lachapelle. Ah, j'ai hâte d'entendre. Oui, ouais, Nick, très précis son affaire, puis ses trois Aucun meilleurs... Aucunement surpris, en passant. Sont surprenants. ses trois meilleurs jeux, c'est Spider-Man. Je vais aller voir ses commentaires. Good call. Il dit Spider-Man parce qu'on dirait un Batman de Rocksteady à la sauce Spider-Man. Après ça, il y a Starlink, parce que ça a l'air d'une belle alternative à un Star Fox, puis j'espère que les contrôles vont être tight, par Mais contre. Mais c'est pas Star Fox avec Link, ça? Non. Non, c'est... Oh. J'étais sûr que c'était Star Fox Adventures non, 2 avec un style de Link. C'est un jeu de vaisseau, mais avec des jouets. Ah. Fait qu'il essaie d'amener le Toys to Life dans l'espace. Je trouve le concept est intéressant, parce que tu peux mettre des morceaux c'est ça, c'est que tu sur montes vaisseau. Des vaisseaux, ça, c'est quand même cool. Tu le customises, c'est quand même cool. Puis Fire Emblem Three Houses... Fire Emblem sans surprise. Évidemment, parce que cette franchise est un match parfait avec les Switch. Je l'attends depuis le lancement de la Switch. Lui, il est vraiment c'est un fan fini de ça. Mention spéciale à Fallout 76 parce qu'il a travaillé dessus. Rumors confirmed! Vous l'avez entendu ici, hein? World premiere! Exclusive world premiere! On avait eu une petite conversation sur Facebook où ce que Nick était dedans, puis j'ai dit... Chut, dis pas ça, toi! Non, ah, mais dis pas ça, je disais juste que... Anyways, avant, je disais juste qu'il faisait bien sa job. C'est ça, en ouais. Disant, très bonne question, Eric! J'avais rien coupé au montage, là, j'étais bien... Couper l'internet, fait que, il dit aussi mention spéciale à Death Stranding parce que c'est toujours aussi what the fuck. Good, c'est-tu qui est mental? C'est-tu une déception, ça? Attends, ça c'est. Non, ça c'est ses meilleurs. Je suis content de savoir que moi, Nick, on est sur la même page. Après ça, déception. What the fuck. Déception pour lui. Cyberpunk 2077. Aucun j'aime gameplay, pas la genre. Direction artistique. Ah, Chris, je suis vraiment surpris. Bon statement. Oh, il est pas là, puis il vient crisser le feu, ça te paraît. Puis après ça, il dit autre déception. Last of Us Part 2. Ça m'a l'air trop violent pour rien. Ouais, c'est vrai que ça a l'air un peu violent. Donc c'est ça pour les fait gars de il est offensé par les scènes de lesbiennes. c'est ça qui est violent dans le fond pour lui. Il aimait pas la musique. Pauvre Nick qui est pas là pour le défendre. Ouais, c'est ça, je peux pas dire Fear Effect, comment les gars. Exact. Bon, comme on vient de faire trois gars de rétro nouveau, on devrait peut-être passer le flambeau, ben ouais. Et on repassera après. Moi j'ai les gars. Milterman. J'entends pas. Moi je veux pas couper le monde, je veux pas couper le monde, je suis pas de même. Vas-y Joe. Premier coup de cœur, ça me surprend parce que c'est Sony, mais en même temps, ça me surprend pas parce que c'est Marvel. C'est Spider-Man. J'étais un fan de Spider-Man depuis toujours. Fait que j'étais vendu, je dirais, d'avance. Oui. Mais quand j'ai vu le trailer, puis tout, j'ai fait « Oh shit, ok, c'est bon, ça fait longtemps que je m'ai pas acheté un nouveau jeu de PS4, puis oui, ça va être... Ça risque d'être First Day, fait que je vais te le prêter, Eric, qui va être fini. Mais je vais l'acheter, aussi. Bah, c'est ah, genre de jeu. Je prêterai de bon. C'est bon. Moi, c'est le genre de jeu, aussi. Je peux pas passer à côté, que ça soit autant parce que c'est Spider-Man, puis juste jouer. Je le veux dans ma collection, parce que c'est le genre d'affaire que je garde pour moi, puis il y a de l'écœurant, hein, fait que. Ça a l'air d'être le meilleur Spider-Man depuis Spider-Man 2. Spider-Man 3. Non, le Spider-Man 2. Auquel... Ou qui avait sorti au Xbox, PS2. Ok, ouais. Spider-Man ouais. 2, je trouve que c'était une révélation. Puis avant ça, on a eu Spider-Man de Neversoft. Puis là, on est ouais. Rendu, je trouve, à cette, une bonne un nouveau place. Spider-Man on en est jeu. Rendu ah, il y avait besoin d'un reboot. Ouais. Puis il y a toujours l'humour que je suis sûr qu'il va être là, ouais. Spider-Man, puis tout. Fait que ça, c'est vraiment. Excellent, qui est toujours dans les jeux. Un de mes jeux que je disais que c'est sur PC, dans le PC Gaming Show que j'ai vu, puis je l'ai montré un peu tantôt à Eric et ah, André. En tout, je sais pas si tu l'as vu. Là. Non, t'étais rendu en bas. Mais le tout, j'ai très hâte que tu nous la jettes. Ouais. Ben ça va sûrement sortir sur console un moment donné, j'imagine. C'est un Battle Royale. Mais de Cyanide and Happiness, ouais, de cartoon, hey, c'est, ça a carrément de l'air, c'est une vue isométrique de haut, Ça s'appelle Rapture Rejects. Fait que dans le fond, l'intro au début, c'est tu vois du monde qui se font ramasser par Dieu, si on peut dire, par la lumière, qui monte dans le Rapture. Puis tous ceux qui sont restés, ben t'es voué tout de suite comme oh, fuck off. T'sais, ils se mettent en bédaine, puis ils boivent de la vie, ils se mettent à caler de l'alcool. Pis, un peu comme le film de Seth Rogen. Ouais, ouais. C'est vrai, ça ressemble le concept. This is the end, exact. Puis c'est les bonhommes de. T'sais, pis tu vois le full customization là, des personnalités que tu peux avoir là-dedans. C'est, moi, ça me faisait penser c'est quoi le jeu? Il y a eu Don't Starve, c'est ça. Oui. Tu sais, c'est comme isométrique de haut, un peu flat cartoon. C'est la même affaire, sauf que là, vous êtes sans une map dans une ville détruite, puis c'est un battle royale. Fait que je me dis, ça fait changement des battles royales first person. Le concept peut être drôle. L'humour est écœurant dans le jeu. Ah, oui. Les armes qu'ils ont, les sauts, tu se promènes les petits bonhommes en bobette qui se promènent carrément avec le sourire. Le petit sourire, Cyanide and Happiness, qui est vraiment quelque chose. Puis mon troisième, j'hésite en Scum, le Devolver, qui avait de l'air. Spécial, là, si André on peut l'a dire. Joué, non? Non, ben, il le suit jouer, sur Facebook, mais je trouve qu'il y a de l'air intéressant. Ça m'a intrigué beaucoup, tu sais. Oui. Sauf que faudrait que je fasse plus de recherches parce que j'ai l'impression que ça pourrait facilement tomber dans un genre de Fortnite wannabe. Ben, en réalité, c'est-tu quoi? Il y a une profondeur là-dedans, sans aller dans tous les détails, mais ils font souvent des vidocs pour montrer la progression du jeu. Puis il y a beaucoup de gens qui le comparent à DayZ puis telle affaire. Puis effectivement, tout dépendant des stats de ton bonhomme, le poids que tu vas transporter va te ralentir ou t'accélérer. Okay. Si tu vas dans l'eau, tout dépendant des propriétés matérielles des choses, ils vont imbiber de l'eau, ils deviennent plus pesants, ça te ralentit, t'as l'affaire. Yes, fait qu'il y a beaucoup de j'aurais pas dû amener des éponges, maudit mal. Tabarnak, j'aurais pas dû aller me baigner en jogging avec des briques dans les poches. Mais, tu sais, c'est fou à quel point tu regardes ça, puis le monde, ils font comme ouais, ce jeu-là. C'est une caricature, c'est Devolver, ça va être drôle, puis il y a une fucking grosse profondeur dedans. Ah, nice. Mais c'est pour ça qu'il m'intrigue un peu. Pis, c'était quoi ton autre choix pour le troisième? Ben, c'était ça un peu, parce qu'il m'intrigue tellement que je veux en savoir. Il y a une manière d'avoir fait un top 4. Puis sinon, m'être bien franc, le Assassin's Creed, comme qu'ils ont le petit montré. Laisse-moi continuer. Il vient me chercher. C'était vraiment lui, mais c'est comme il y avait un petit quelque chose. Vu que c'était un nouveau IP, on dirait que je sais pas c'est quoi. Fait qu'à cause que Joe il a lancé un petit peu le Odyssey, on en a même pas parlé pendant la campagne. On savait que t'en parlais. Moi, dernièrement, parenthèse. Avec tes pouvoirs kétologiques. Avec mes pouvoirs keto. La kétosis. C'est vrai qu'est-ce qu'il dit, en fait, c'est fucké, mais c'est vrai qu'est-ce qu'il dit. Depuis que je suis le keto, je vais pas embarquer dans la folie, mais je juste feel weird. Mais ça, mon focus, il est vraiment différent. Il est comme l'ex-boyfriend Scott Pilgrim, que genre, il break son vegan edge un moment donné. Mais j'ai pas breaké encore. Mais là, il a pas break encore. Là, il a encore les super. Toujours dans le bacon. Puis ce focus-là m'a permis à, un, complètement anéantir et finir Far Cry 5. Ouais. Que j'avais pas fait depuis... J'avais pas fait un Far Cry de A à Z comme ça depuis, je pense, Far Cry 1 même, là. Puis depuis ce temps-là, j'ai keto. C'est weird à dire, mais tu parles à Google keto. Keto. Le focus, ça fait partie du keto. Par keto, il veut dire keto parce que c'est une diète. C'est un riz. On s'enlève. Je veux pas déraper trop là-dessus. Mais Assassin's Creed. Depuis ce temps-là, je tripe sur Assassin's Creed Origin. Je l'ai commencé. J'étais fucking mind blown par Origin. Ouais. En tort sur un jeu prêté par Anouk. Shout out à Anouk en passant qui vient de finir sa maîtrise. Félicitations. Maîtrise sur des UI dans le jeu vidéo. Comment folle qu'il faut que tu sois pour faire ça. Félicitations. Un compliment mais, suivi de... C'est tellement un compliment, mais son chum, il a travaillé sur Far Cry 5 aussi. Okay. C'était tout top. Mais anyway, Far Cry Origin, j'avais tellement capoté que je l'ai coupé. Puis j'ai dit non, fuck that, je vais attendre qu'il soit en spécial sur ma Xbox, ouais. Que je veux jouer sur One X. Il avait vanté sur la One X. Très beau. Naturellement, pour le E3, on a eu des gros escomptes, fait que je l'ai acheté. Mais entre-temps, j'ai découvert Syndicate, puis je capote ben raide sur Syndicate. Syndicate, le jeu de EA avec le soundtrack de Scream. Non, Assassin's Creed Syndicate. Drop the bass! Hey, en passant, il est très bon, Syndicate. C'était bon? Mais Syndicate Assassin's Creed, j'ai vraiment, vraiment aimé. Puis là, en ce moment, je suis rendu à comme 45%. Long, il est fou. Puis ça fait un beau parallèle à, je trouve, Odyssey, parce que c'est la même équipe, si je me trompe pas. C'est Ubi Québec qui avait fait Syndicate, right? Ah, il était beau à voir sur le stage. We would to like speak. I'm here in Develop de Québec. Mais Syndicate, c'était fait par l'équipe de Québec, si je me rappelle bien, où j'ai plus tard, ouais. Puis après ça. Can't confirm. Puis Odyssey, c'est carrément ça, mais unhinged avec l'ouverture que AC mérite depuis des millénaires. Qui est de juste s'assumer comme RPG tout craché, puis Odyssey... Faire des Spartan Kicks. Et te laisser être une femme en 2018. Fait que Odyssey, c'est mon premier top 3. Quand je l'ai vu en action, j'ai vu la description, j'ai vu l'idée du bateau qui est ton home base, un peu comme Syndicate ou ce que ton petit train, des affaires comme ça. Je suis pompé en crise, le monde est écœurant, puis tu veux juste montrer qu'est-ce qu'on a vu dans Origin, où ce que c'est rendu juste un RPG assumé. J'ai hâte en tabarnak pour celle-là, puis j'ai jamais été si hype pour Assassin's Creed depuis les premiers trailers que j'ai vus du premier, que j'ai juste réalisé que j'étais pour être déprimé en Palestine pendant 4 heures. Fait que t'en restes deux. Il m'en reste deux. La deuxième, c'est un moment pour moi. Je suis quand même un fan de l'expérience Microsoft en ce moment, de tout ce qui se passe. Puis quand ils ont annoncé les achats et l'intention de studio, ça m'a intéressé. Parce que des studios comme Ninja Theory qui viennent de sortir Hellblade sur un fucking legit independent release, j'ai hâte de voir qu'est-ce que eux vont faire avec l'argent de Microsoft. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe chez The Initiative, qui est un studio à Santa Monica. Fait qu'il va avoir du beau soleil, puis il va avoir du monde heureux. Je pense qu'un des le gars qui est pas mal responsable à rebrander Tomb Raider est derrière ce studio-là. Je pense que le monde qui travaille au studio le verront pas, le beau soleil aussi. Il va être occupé. Mais là, tout ça, c'est une mise en abîme pour la deuxième position. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est... La deuxième position, c'est le moment. OK, c'est ça, c'est le moment. C'est la question, c'est les affaires, c'est la business. C'est vrai, toi, t'as des moments. Le seul moment, quand Microsoft, ils ont annoncé le moment d'acheter des studios pour juste montrer l'initiative. Ça, j'ai trouvé ça drôle. On vient d'en partager un moment, moi puis lui. Avec le studio qui était l'initiative en passant. Hein. Hey, des gros jeux de mots. Mais j'ai legit jamais vu personne aussi heureux qu'Eric à regarder des transactions de questions de compagnie. Mais quoi de TVA à faire, je capote. Mais le côté business des jeux vidéo m'intrigue autant que le contenu. Autant que la marde dans mes comments sur Facebook. Toi, tu voyais le potentiel de faire genre, là, je peux... Flame Wars solide. Où est-ce que je Flame War là? Je Flame partout. Non, non, pas là, mais tu sais, quand tu vois les éditions. J'ai été très gentil à soir, là, quand même. Là. Mais j'ai aimé le moment où ce que Microsoft a montré qu'ils gardent fuck off. Là. On voulait des exclusifs. On a mis l'argent puis on a mis le cash. We'll buy some. On n'est pas mort puis on va le faire and we'll buy some. La joke. On a fait des prédictions à l'événement chez nous, puis une de mes prédictions, c'était que EA annonce, que Microsoft annonce qu'ils ont acheté EA. Mais les rumeurs de les 7 studios qu'on voulait, mais on l'a vu live sur le showcase. Il y a ça, Playground Studios, une coupe d'affaires, Undead Labs. Ça, j'ai aimé ça parce que, comme fan de préférence de Microsoft de ces temps-ci, puis l'expérience globale, le moment clé qui manque, c'est des fucking bons exclusifs. Au moins, ils montrent que, avec tous les bons moves qu'ils font dans le background, que ben du monde ne paye pas attention à, la clé, c'était les jeux. Bon, cela dit, mon numéro 3. Numéro uno. Non, 3, c'est 3. 3, c'est fini, là. C'est fini. Ok, uno, c'est Odyssey. Uno, c'est Odyssey. J'ai fait une transition avec Milter. 2, c'est Microsoft. C'est un crescendo inversé. C'est ça. Et le 3, c'est Rage Motherfucking 2. Je suis un fan fini du premier. Même si c'était court un peu le premier, même s'il manquait un petit peu. Moi aussi, j'adorais le premier. Le premier, c'était id qui était comme depuis Doom 3, on attendait un nouveau punch, un nouveau IP de id, puis c'était Rage. Puis depuis que Bethesda, ils ont acheté id. La question me posait souvent, c'était qu'est-ce qu'ils vont faire avec la licence de Rage, qui était le dernier gros hype de id, qui a un petit peu fait parce que tout le monde était comme trop. Ah, mais il l'avait marketé comme un tech démo. Il était allé sur un téléphone en plus. J'ai joué à ça sur le premier iOS, iPod. Oui, parce qu'il a montré que le Quake Engine marchait. Exact. Sur un tech démo versus Tech 4. Il a joué sur Engage. Ça fonctionnait. C'était le fun. Mais tout ça, Rage 2, j'avais hâte de voir, puis j'espérais que, tu sais, Machine Games m'avait tellement inspiré que j'étais comme, peut-être c'est eux qui vont se faire mettre ça dans les mains, mais Saint-Sacrement, je m'attendais jamais que Avalanche tombe là-dessus. Ah oui? Bruno, moi, j'ai eu des vibes de Mad Max intense avec le char. Bruno, pas mal, que Mad Max, j'ai entendu dire souvent comment est-ce qu'il a aimé Mad Max. Ouais. Mais là, c'est tout d'un coup, c'est quasiment comme si Bethesda, ils ont vu Mad Max à un moment donné. Puis là, je peux juste imaginer le meeting dans un restaurant italien à quelque part au Texas. Où ils ont reçu les gars d'Avalanche, là, ils ont fait voler jusqu'au Texas. Puis t'as comme, guys, we saw Mad Max. Vends du rêve, Eric. Là. How about. La mise en situation. How about you just do Mad Max, but on fucking steroids, no limits, with more rage. Go nuts. Filled with rage. Comme s'il avait fait un color run avant. Ouais. Oui, exact. Pas rose à quelque part. Mais c'est ça. Fait que pour mes top 3, c'est ça. Puis Rage 2, je m'excuse, pour moi, c'est un méga hype. Voir Avalanche faire un FPS, c'est pas Avalanche Shanghai, whatever, weird, qui fait les autres, ouais, les autres affaires depuis un bout. C'est le real deal Avalanche qui est en train de foncer dans une licence que moi, je trouve, est bien ancrée. Totalement. Si John Goodman y est dedans, ça serait très hot. Ouais. Parce qu'il était dans... Il n'y a plus de job. C'est vrai, on l'oublie ça. Est-ce que j'avais oublié ça? Apparemment, il est disponible ces temps-ci. Ouais. T'as pas vu la joke? Il y a une joke qui dit que le prochain, ça devrait juste être Dan. Je fais une référence à Roseanne, là. Ouais. Mais Jimmy Kimmel était comme, j'ai la solution, just Dan. Dan. Sans Twitter. Mais bon, c'est ça. Fait que mes top 3, même si j'ai mis des mises en association, étaient quand même très claires, nettes. Et je vous laisse là-dessus. Ben là, écoute, on est deux à deux. Fait que je vous suggère de revenir à Rétro Nouveau, les boys. Ouais. Ok. Tu y vas ou j'y vais? Non, je vais y aller. Vas-y. Écoute, moi, est-ce qu'on fait aussi nos surprises déceptions ou bien. On va faire déception, mais très rapidement. Moi, je vais commencer par ça parce que je suis downer, tu sais. J'adore comment est-ce que Fred demande qu'est-ce qu'on fait. Bruno il dit on fait ça, puis Fred est comme ok, je ferai pas ça. Non, ça, ok, je vais y aller avec la petite surprise. Moi ma grosse surprise, la surprise cette année à l'E3 dans laquelle j'ai vu quelque chose de mon vivant que j'étais certain que j'allais pas voir. Ouais. C'était une étoile dans tes yeux. Voir du gameplay de Death Stranding. Ouais. J'étais certain qu'on verrait jamais ça. Avec toi, ça. J'étais certain qu'ils savaient pas quoi faire avec ça et tout. Ben Chris, il y a un walking simulator où tu vas porter des colis. Écoute, maintenant, est-ce que je vais le jouer? Peut-être que je vais l'emprunter à quelqu'un. Est-ce que je suis excité pour ce jeu-là? Non. Mais est-ce que je suis content de l'avoir vu? Oui, je suis content que Jima puisse aller enfin comme compléter quelque chose. Est-ce que ce jeu-là va se retrouver sur PSN Plus? Probablement. Écoute, il va sûrement tomber vite en spécial, mais probablement qu'il y a des gens qui vont l'acheter. Alors ça, c'était ma surprise. Sinon, ma grosse déception, en fait, c'est peut-être les absents qui étaient... Les grands absents de l'E3 cette année. Ouais. Tu sais, comme Metroid Prime 4, Red Dead Redemption 2, Final Fantasy 7, puis qu'est-ce que j'avais quand tu es rendu aux déceptions, je comprends pas. Il y avait Avengers. Fred a décidé qu'il le faisait. Ah, moi je le fais là, moi Avengers. Je le fais avant pour builder le c'est hype. Bon, c'est bon. Avengers, moi, ça j'étais déçu. Je peux te rajouter ma déception, là, c'était Skate 4. Qui est pas je le dis là, vu qu'il y a des absents, puis c'était ça ma déception. Pas les règles, mais je parle plus jusqu'à la fin. Somme toute, j'ai trouvé que c'était un des E3 que j'avais le plus apprécié dans les dernières années, parce que comme je disais tantôt, il y avait beaucoup de jeux qui étaient jouables, qui existaient, vraiment, du concret, des affaires à se mettre sous la dent. Fait que si j'aurais mon top 3 à faire, troisième position à un jeu qu'on n'a pas mentionné vraiment beaucoup à date, mais que j'étais extrêmement heureux de voir. Sekiro Shadows Die Twice de From Software, publié par Activision, Why Not, peu importe, qui est en fait, tout le monde pensait que c'était genre Tenchu. Tenchu, on était en gang en Tenchu. Puis moi, je regardais le fight, puis j'étais comme, non, ça c'est du fight de Dark Souls, guys. Ça c'est du fight de Dark Souls, comme de fait. From Software arrive avec ça. Nouvelle licence, écoute, c'est parfait, c'est genre Dark Souls avec From Software. Cette année, leur move, c'était ça. Ah ouais. Écoute. Ça, pour moi, c'était plus comme un welcome. Puis après ça, un jeu de VR, c'était genre, je te repousse. Ouais, c'est comme... ça, c'était vraiment genre, vous pensez que vous savez de quoi vous parlez. On peut faire ce qu'on veut. Nope! Mais c'était cool. J'étais content de voir de quoi de complètement nouveau, plutôt qu'un Dark Souls 4, plutôt qu'un Bloodborne 2. Tu sais, d'avoir vraiment une nouvelle licence dans un nouvel univers et tout, mais qui garde vraiment la saveur, je trouvais ça Il doit être tanné un peu, de toute façon. Là. Ils sont écœurés. On se le cachera pas. Sinon, deuxième position... un jeu qui sort dans 3 mois. Oui. Spider-Man aussi. Je pense que c'est difficile Spider-Man. De ne pas... Ouais, c'est dans mes tops. Spider-Man. Ouais. C'est difficile de ne pas être excité à l'idée de jouer à ce jeu-là au mois de septembre. Mais vraiment, l'année passée, c'était mon coup de cœur. Et cette année, je suis comme, Chris, c'est vrai, je vais y jouer bien. Ah oui, vraiment. Spider-Man, où est-ce que je lance l'argent, guys? C'est ça. Ouais. Moi, ce jeu-là était précommandé l'année passée. Je suis parti pour le précommander une autre fois. J'ai fait comme, Chris, il est déjà dans mon panier. Le deal était meilleur l'année passée en plus. Fait que je suis comme, fuck off, touche à rien, Fred. Ça s'en vient bientôt. Brise et rien. Première position, Et puis ça, je suis pas mal sûr que c'était la première position de bien des gens. Fallout 1976. Ouais. Ouais. Non. Mais je voulais pas Fallout, en parler parce que je suis Fallout 76, c'est... Moi, Fallout 4, j'avais pas capoté, là. J'avais trouvé que c'était bien ordinaire, mais ça, c'est comme... Ça aurait dû être le Fallout 4 que j'ai eu. C'est vraiment, pour moi, le bon step above. Alors, d'ailleurs, petite parenthèse, pour tous ceux qui disent qu'il y a pas de VATS dans le jeu parce que c'est un multi, fuck off, il y a un VATS, ils l'ont confirmé. C'est juste qu'il y aura pas de il slow, pas slow motion, tout, ouais. C'est ça. Donc, vraiment cool l'idée de jouer en multi. Toute la présentation, le build-up pour chacune des features, tu sais, bon, écoute, tu vas pouvoir te promener dans le Wasteland, tu vas trouver des ennemis, mais probablement des amis avec qui tu vas pouvoir bâtir des affaires n'importe où, mais attention, parce que il y a d'autres gonzos sur le serveur qui vont pouvoir te garrocher des missiles nucléaires sur la tête. Si tu fais chier avec ta base, tu meurs pas. Ouais, tu recommences, par exemple. C'est ça. Il restera plus rien, puis ça devient comme un raid pour aller ramasser des ressources spéciales, mais avec des monstres irradiés et tout. C'est extraordinaire. Comme Rust, finalement, mais dans un univers de Fallout. Exactement. Mais comme on dit, avec le budget de Bethesda, tous les bons survival, c'est fait par des substituts. Tu sais, pas abandonné après 3 mois. Mais c'est quoi, Rust, ça vient pas avec les souvenirs que t'as reliés au IP de Fallout. Ouais. C'est Fallout, la propriété intellectuelle de Fallout, c'est que Rust, c'est un jeu qui est encore soutenu présentement, il développe beaucoup, mais il vient pas avec la mémoire de hey, j'avais du fun dans Fallout 3. Super Mutants. Fallout 4, il y avait un mind-blowing moment. Mais la vraie question, André, est-ce qu'il va y avoir des pénis dans Fallout 76? Mais il faut. Moi, je prédis que vraiment oui. Le pire, tu dis ça, puis il y a le corbeau qui dit Rust, mais moins de genitals. Ok, moi j'avais même pas vu, mais il y a raison. Ça a tellement l'air bon. Là, parce que Rust, tu peux pas te tromper avec ça. Tu sais, je trouve que c'est un univers qu'on a toujours voulu avoir en multi. Puis là, de faire un multi comme ça, tu sais, de y aller all in, puis de dire non, il y aura pas 100 players, il y aura pas 1000 players. Tu sais, c'est pas un battle royale. C'est les fucking Wastelands, a dozen players, that's comme Sea of Thieves. Parenthèse weird, là, mais Sea of Thieves, ça fonctionne comme ça. T'embarques dans un serveur, t'as une douzaine de bateaux, ils disent. Mmh. Il y a un petit peu plus fun, j'espère. Pour démontrer à quel point le pouvoir de Fallout est là, puis on arrête de t'interrompre après, mais ce matin, j'étais sur Spotify dans le char en allant à job, puis j'écris Country Roads, qui est la toune dans le trailer de Fallout. Il y a un gars qui a fait une playlist qui s'appelle Fallout 76 Country Roads. Hype. C'est toutes des versions différentes de la toune. Fait que t'écoutes la même toune, mais c'est jamais le même interprète de la même façon. C'est vraiment nice. La version dans le trailer... est pas disponible sur Spotify, c'est Inkspot, puis elle va être disponible dans une semaine au nom de Bethesda, mais tout l'argent va aller aux protection de la nature de West Virginia. Oh, wow! Nice. Tout nice. Le profit. J'ai vu ça. Bon ouais, donc ben, il parle pas beaucoup, mais je parle si pou! En passant, la préservation de la faune de la West Virginia. Non, mais nice. Parce que moi, avec, j'étais à job, puis j'étais comme, j'ai la toune dans la tête, puis j'ai tombé direct sur la playlist, mais moi, c'était juste John Denver, genre 80 fois en ligne, là. Puis je m'ai rendu compte après, je me suis dit, c'est pas la vraie version. En parlant même, tu me faisais penser à fucking Jim Morrison dans Wayne's World 2, quand il parle avec Wayne. L'indien nu à moitié. L'indien zombie à moitié nu. Fred, c'était tout ton top 3? Ça c'était mon top 3, mais là, toi t'as l'air d'avoir pas mal quelque chose qui te brûle les lèvres, André. C'est les Doritos. Les Doritos Inferno sont... En fait, il y a de quoi qui me brûle les lèvres, mais il y a aussi une odeur de feu qui me... Guillaume, on t'inviterait peut-être à regarder la chandelle qui brûle sur le bar. Peut-être. On t'invite, gentiment. Merci beaucoup. Mais non, en réalité, OK. Fait que là, je vais y aller avec mes choix qui m'ont fait plaisir pendant le E3. Ouais. Je vais garder ma déception pour la fin. Mais, gars, écoute, je serais assez hypocrite de dire que Division 2 ne fait pas partie de mon top 3. Ouais. J'ai fucking hâte de jouer à ça. Honnêtement, je suis un des plus grands fans de Division, c'est incroyable. Puis j'en ai eu pour mon argent, j'ai vraiment hâte de continuer l'aventure. J'ai aimé le fait qu'ils ont positionné straight from the start. Quand tu finis la campagne single player, tu vas choisir une des trois spécialisations qui va venir avec un des weapons, etc. Ouais. Hey, le trailer, quand t'as le gars armored qui drop. Puis je me rappelle, je le collais, j'étais comme hey, check, son bras il a éclaté. Puis là, l'armure, il shoot, l'armure elle explose, puis ça l'expose. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de jouer à Division 2. Ouais. J'ai hâte de continuer l'histoire. Tu sais, déjà qu'il y avait des bons wins de corruption gouvernementale. Fait que ça, c'est pas mal dans mon top 3. C'est con, on dirait à date, j'ai un top 2 qui me vient très évidemment en tête. Fait que je vais essayer de me peupler un top 3 d'ici là, mais Resident Evil 2, le remake. Oui. Je sais que c'était hot, j'étais mouillé dans mes shorts pendant que j'ai regardé le trailer. Ça n'a pas de sens. Pour moi, Resident Evil 2, c'est prendre mon bicycle avec les cornes de taureau en avant pour aller loin un PS1 avec un dépôt de cash que mon père m'a dit « Si tu perds ça, mon petit Chris, je te déshérite. » Mais de revenir en pédalant avec une grosse valise qui, ironiquement, est là-bas puis qui est rendu mon gear de podcast dedans. La même, exactement. Ben, le pire, c'est que oui. Man, c'est cette valise-là qui avait le PS1 dans le temps. Je l'ai racheté au club vidéo. Puis, c'est plein de souvenirs qui reviennent avec ça. Puis quand j'ai regardé Resident Evil 2, puis j'aime l'attention aux détails qu'ils ont porté aussi également. Oui. Où Claire Redfield, elle a le même suit que dans le démo de Resident Evil 2 qui venait dans le temps. Ça a juste l'air fou. Puis je trouve que c'est un des jeux que, autant que les remakes de GameCube étaient excellents du 1 et du 0, avec le 2 puis le 3, il a botché un peu. Mais j'ai hâte de jouer à ce remake de Resident Evil 2. Je suis sûr que ça va être super bon. C'était vraiment un beau moment de gaming pour moi. Ça va être un bon jeu à acheter en genre de, comment est-ce qu'on appelle, Play Anywhere sur Windows 10. S'il est sur Windows 10 à Play Anywhere, je vais avoir du fun au Non, mais j'aurais aimé ça qu'il soit à Play Anywhere. C'est ça, mais j'aurais aimé ça, moi, qu'il soit en VR comme le 7. On ne sait jamais, cool. Ça, en VR. Ça peut être une affaire qui s'en vient. J'ai rien contre le fait d'avoir un. Un bon jeu, c'est parfait. Tu sais. Je me suis rendu compte que des bons jeux d'histoire, il y en a de. Selon mon point de vue à moi, il y en a de moins en moins qui me font accepter. T'as pas de nostalgie par rapport à ça aussi. Ben exact. Toutes les affaires qu'on est nostalgique, je veux pas, on les veut. Ouais, on trouve tout meilleur. Mais moi, je trouve que c'est comme une belle vague qu'il y a dans les jeux vidéo de faire des remasters, genre de refaire le jeu au grand complet. La technologie actuelle, comme Final Fantasy VII qui va s'en venir dans 3000 ans. Mais le Resident Evil sur GameCube, c'était une des premières visions. Oui, exact. Puis Chris, c'était bon. C'était vraiment excellent. Et c'est une bonne idée là, de refaire des jeux comme ça. Là, ben clairement. Puis la base était bonne, c'est juste lettre maintenant. Ben oui, mais le contrôle aussi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça, parce que nous on s'entend qu'on a vu, tu sais, ok, on voyait Raccoon City, puis c'était comme on a vu que c'était la même cam que Resident Evil 4 et 5. Exact. Moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est que tu savais, tu sais, comme quand c'est arrivé le trailer, moi je l'ai su comme tout de suite quand j'ai vu le premier zombie. J'étais comme, Chris, c'est les designs de zombies. Moi, je l'ai spoté au début. Genre le à truc cause de la manette de PlayStation, l'éclairage et tout, j'ai fait comme oh shit, ils ont vraiment un remake de Resident Evil 2. Puis là, tu sais, ça se promène en first person, puis j'étais comme ok, non, tu joues une coquerelle, ça n'a pas rapport. Ouais. Là, il arrive un PlayStation, je suis comme Chris, c'est Resident Evil. C'est comme, là, ça continue, je suis comme non, peut-être pas, peut-être qu'ils font Ant-Man, je sais pas. Puis là, t'entends comme le gars qui se bagarre, je suis comme si il se bat avec un zombie. Puis là, c'est comme ça, là, ça se bat, ça tombe à terre, puis là. Tu vois qu'il bite le coup, puis j'ai fait comme yeah! Je suis cheering dans mon salon. C'est les trailers dans même qui te laissent. Les bullets qui drop, les shells qui tombent, très Resident Evil, mais ça, j'ai tellement capoté. Le dialogue cheesy au bout, tu sais, c'était tellement Mary! Moi, je dis Jill, the master of lockpick, almost being a Jill sandwich. Puis ma position numéro 1, je dirais, je suis comme dans un dilemme parce que Fallout 76, c'est quelque chose qui me fait capoter aussi. Chérie, tu m'écoutes, je veux le fucking casque. Tu veux pas que je l'achète? Guess what? Je le fais pareil, ma colisse. Fait que le casque va s'en venir ici. Mais j'ai aimé le build-up, puis vous l'avez vu, là, on écoutait la conférence de Microsoft. Le build-up de Cyberpunk 2077. J'étais en avant de l'écran, puis là, mon cerveau, j'étais comme le meme avec les mathématiques qui apparaissent. Puis là, j'étais comme, attends un peu, du code informatique. Blablabla. Red, c'est Cyberpunk! C'est Cyberpunk! Puis là, maintenant, clic, play trailer, Cyberpunk qui part. Yeah! Là, je capotais. C'est un beau moment de conférence. Vraiment. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le méta après, puis le build-up autour de ça. Mais le code qui apparaissait à l'écran, c'était des fucking codes Steam ou des affaires de même. Witcher. C'était des codes Xbox. Des codes Xbox, c'est ça, effectivement. Pour Witcher. Tu pouvais avoir Witcher. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a un gars qui était devant son ordi, il a fait t'as peur, toi. Pause. Oh, hack this. 44-48, 18-13 PH. Hey, c'est de ton code en plus. Witcher 3 dans ma console. Merci, bonsoir. Mais le build-up autour de ça est excellent. Ouais. Il y a un peu de controverse parce que CD Projekt ont annoncé que Cyberpunk va être un first-person RPG. Ouais. Fait que là, il y a beaucoup de monde. Hein. Moi, j'aime pas ça, les first-person RPG. Essaye-les. Ça pareil. Essaye-les, Chris. Arrête de chialer. Voit, si on est capable de tout se parler en disant que Death Stranding, c'est un walking simulator, puis on va voir de quoi ça ressemble quand ça sort. Ben oui. Mais Chris, on va faire la même affaire que Cyberpunk. Ben, ouais. Mais honnêtement, le lore, je suis très Cyberpunk. Là, c'est le moment de la shameless plug, mais justement, on est en train de faire une game de Dungeons & Dragons avec la gang des geekers qui s'appelle New Jersey Ninja Hacksaws. Ouais, qui est mental en passant, guys! Qu'on fait une game de Dungeons & Dragons dans l'environnement des règles 5.0 où on est 4 apprentis ninja karaté master dans le bout du New Jersey, dans un univers parallèle des années 90. Notre DM, c'est Éric Lafontaine, fait que vous voyez un peu où ça s'en va. Ah oui. Mais, tu sais, j'ai toujours eu une vibe. Un de mes jeux préférés de Super NES, c'est Shadowrun. Ouais. J'ai toujours aimé cet environnement-là. Fait que Cyberpunk, ça me parle beaucoup. C'est con à dire, mais c'était un moment où le reveal du trailer, le storyline, pas le storyline, mais tu sais, le art direction que Nick n'a pas, ouais, semble pas avoir apprécié. Moi, au contraire, c'est venu me chercher. Ouais. Mais tu sais, j'ai été élevé avec des films de Johnny Mnemonic, le fucking film avec le gars des Rolling Stones, puis Emilio Estevez. Ouais. Tu sais, c'est... Ah, c'était quoi ce film-là encore? Je me souviens pas. Oh, non, ça va me revenir avec Mick Jagger dedans. Oui, c'est ça, exact. Tabarnak. Mighty Ducks 2? Non. Mind Jack. Quelque chose Jack. Free Jack. Free Jack. Yes, mon Dieu. Free Jack. Fait qu'en réalité, je suis content que la Free Jack apparaît, Johnny. Ah oui! Merci Nick, man, t'es toujours là pour nous autres. Mais somme toute, ça c'était mon top 3. Ma déception du E3, il s'est... Ok, fait qu'on fait nos déceptions. Ben là, c'est parce que Fred, il l'a changé. C'est pas grave, c'est vrai. Fred et Joe l'ont fait. Le toi, tu vas le faire. Ben en fait, c'est quoi? Je vais laisser Bruno y aller avec ses trois affaires favorites. Ça va me laisser me brancher. Je suis un gars indécis dans la vie, surtout live. Ouais, parce que là, t'as comme eu un top 5, là, de rien. Pour vrai? Ouais. Oh my god! T'as fait toi, Bruno, il t'en reste juste un. Ouais, c'est ça! Go, Bruno! Non, c'est ça. Fait que, comme il a fait un top 5, moi, ma quatrième position, c'est Spider-Man. Parce que là, tout le monde a parlé de Spider-Man. Fait que j'en parlerai pas trop longtemps. Mais moi, juste le fait qu'on voit que les vilains, c'est pas juste le vilain qu'on avait vu. Mais tu sais, je m'en crisse un peu de ce bonhomme-là. Ouais, Miles est dedans. Il y a une grosse allusion qu'il va avoir besoin de l'aide. Je pense qu'il va y avoir deux Spider-Man. Ben, quand Spider-Man dit à la fin, c'est You, ouais. c'est comme c'est soit Doc Ock ou c'est Miles, ou c'est Gwen. Le Spider-Verse au complet, d'après c'est moi. Thanos, c'est ça. Thanos. Ouais, ou c'est Thanos. Hey, Neighborhood Spider-Man. Mais non, mais je capote, le gameplay est écœurant. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment fort. Mais sinon, troisième position qui a changé la dernière minute, Ghost of Tsushima. Vraiment, là, cool. Ça, moi, ça me fait capoter. Je suis un gros, Bruno, j'attendais pour... Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Ça venait du cœur, ça. Yeah! Wow! Il disait que pendant le stream à soir, Bruno va capoter sur les feuilles puis des... C'est donc bien, man! Puis j'étais à l'événement PlayStation Experience puis j'attendais de vouloir y donner. Là. Pour les gens qui seraient à la maison puis qui vont écouter ça sous format audio, Rick a ramené une genre de pin. Ouais, une pin. 24 carats de gauche. Ouais, c'est lourd, là. Fait que... Gros crise de blé. C'est du PR stuff de l'événement PlayStation. Wow. Que t'as volé. Très bon. Non, mais je voulais vraiment la donner à Bruno parce que pendant qu'on regardait le stream, je vais toujours me rappeler qu'on a eu le même moment des feuilles. Ouais, comme les feuilles, man. Les tout le monde se feuilles. Jase dans des différentes conversations dans les événements de même. Moi, j'étais avec Mario au cinéma. Ouais. Tout. Puis je me rappelle, on capotait tout sur le look de ce jeu-là. Vraiment. Puis je me rappelle, dans ma tête, je pensais aux feuilles. Puis anyway, c'est bon, continue ton top 3. Mais c'est ça, mais j'aime vraiment, tu sais, la direction artistique, juste le côté samouraï, mais samouraï all the way. Ça serait même cool qu'il y ait un mode en noir et blanc, comme certaines personnes ont dit. C'est Sucker Punch, Unhinged, on sait comment est-ce qu'ils font du open world. Oui. Puis ils font du open world dans du feudal Japan. Qu'est-ce que c'est de plus qu'on veut? C'est magnifique. Puis tu sais, moi je trouve que une affaire qui commence à me taper ses nerfs du jeu vidéo en général, c'est que t'as le choix. T'as des pirates, des zombies, post-apoc. Ouais, post-apoc, c'est juste ça. Puis il y a juste des battle royale aussi. Fait que tu sais, moi tout ça fait qu'à un moment donné, quand tu vois un jeu que c'est juste... C'est ça, that's it, c'est what you see is what you get. Moi, ça, je trouve ça cool, justement, que là, il n'y a pas une autre affaire de slow motion ou de ci ou de ça. Ça a l'air d'être 100% pur. Puis ça me fait vraiment triper visuellement, c'était incroyable. À quand un jeu de Zombie pirate dans un setting post-apocalyptique de Battle Royale. Ça va arriver, man. Moi je colle la chance, ça va arriver. Ça va arriver, ouais. T'as tiré le mauvais œil, là. Check bien Sony dire que Days Gone, c'est un ancien pirate, le dos, puis est devenu biker, mais tu sais. En tout cas, deuxième position, Devil May Cry 5. Yeah. Vraiment, moi, ça m'a fait capoter. Yeah. C'est le ton est parfait, puis moi, c'est exactement mon genre de jeu, là. C'est DMC, c'est un jeu qui m'a fait capoter. J'ai tout fait les Devil May Cry, mais je trouve que là, il y a comme une ascension incroyable à cette licence-là. C'est un retour de Resident Evil, je ne me trompe pas, non? Le producteur, je pense qu'il y a plutôt... Oui, peut-être, oui. Oui, Captain. Exact. Non, mais c'est parce que pour moi... Non, mais Devil May Cry a ridé sur le From the Creator of Resident Evil. Au début. Fait que c'est... Je pense qu'il revient, puis on en retourne à ça. Là. Exact. Mais tu sais, le combat, toute la vitesse là-dedans, la trame sonore qui va être vraiment hallucinante encore une fois. Moi, ça, j'ai super hâte, j'attends ça avec impatience. Et sinon, mon grand numéro 1, c'est Cyberpunk 2077. T'sais, sans aucune hésitation, moi, tout... Le trailer, je l'ai écouté à peu près comme une dizaine de fois depuis hier. J'adore ce trailer-là, toute l'ambiance. Je veux voir un film de ce monde-là. Je trouve que le jouer, man. Tout est on c'est point. Mieux qu'une non, mais t'sais, vue, ça, là. Oui, mais tu sais, tout est parfait. Ouais. Ça rappelle... Moi, il y a bien des affaires là-dedans qui me rappellent Blade Runner, mais genre les bonnes affaires de Blade Runner. Puis, tu sais, le côté, justement, tu sais, juste la scène dans le métro au début où tu vois un dos de Sty qui se fait achaler par des punks, puis... qui disent que justement ils vivent dans la pire ville du monde mais que les gens décident d'y rester pareil parce que t'as comme t'as l'illusion que tu vas avoir une meilleure vie, cette espèce de côté-là qui ressemble à notre vie présentement. C'est cyberpunk, mais je trouve qu'il y a comme un gros même un message social par rapport à ce qu'on vit présentement, puis la réalité virtuelle, tout ça, puis tout le temps vouloir plus de technologie sans arrêt. Fait que je trouve que juste l'univers est écœurant. Après ça, Chris, ça pourrait être un jeu de table, je m'en calisse. Je trouve que l'univers est écœurant. Le lore a l'air fou. Le lore est fou. Puis la direction artistique est écœurante. Fait qu'après ça, quand ils ont dit que c'était un first person, right on, c'est bien correct que ce soit un first person. Tu vas être, tu sais, l'immersion va être parfaite. On a adoré Deus Ex, fait que je vois pas pourquoi on aurait de la misère avec un jeu de CD Projekt. Moi, je pense que c'est possible vraiment de bien le faire. Là, juste comme ça, t'as-tu aimé Witcher 3, toi? J'ai joué, puis j'ai arrêté après un certain moment parce que j'avais trop d'affaires à gérer, puis c'est ça qui me tapait ses nerfs. Puis le HUD de Witcher m'agresse. Il est too much, puis j'espère au contraire justement que ce jeu-là, il est plus de focus. C'est cinématique. Puis que quand tu le veux, ton HUD, il est là, mais sinon, t'sais, faites-moi ça cinématique pour que j'embarque vraiment immersion dans l'histoire. Totale, immersion totale, puis il y a moyen de faire ça. Ça se fait un RPG... dans lequel t'as justement ta déception, t'as man. Ma déception, c'est tout le monde le sait, je suis un gros fan de Nintendo, puis c'est ça ma déception, c'est Nintendo en général. J'ai trouvé vraiment que c'était vraiment un mauvais direct, puis c'est parce que considérant que Nintendo font tellement des bons directs un peu partout dans l'année, puis c'est vraiment devenu des maîtres du rythme, du montage, puis tout ça. Là-dedans, je trouve que c'est ils ont complètement foiré sur le montage. Ils ont commencé avec quelque chose de... Il y a tellement d'énergie. Ce trailer de mec-là est écœurant, puis tiens... Même le Pokémon avec Reggie, ça fonctionne. Oui, le Pokémon, mais Reggie, il a ce qu'il faut pour driver ça. Puis après ça, tu sais, le petit sizzle reel des affaires qui s'en viennent, c'était le fun. Mais après ça, finir ça avec Smash... Overcooked 2, on l'a pas mentionné. Overcooked 2 aussi qui est là. Mais va être partout. Là, mais tu sais, même à ça, les jeux, je trouve c'était pas des jeux très excitants. Il manquait deux jeux. Oui, il manquait deux jeux. Très exactement deux jeux. Il manquait justement des surprises. Puis il y a eu rien sur le service online. Puis il s'en vient en septembre. Tu sais, c'est quand même... Moi, de septembre, c'est pas loin, là. Puis tu sais, encore une fois, il parle pas pantoute de ça. Tu sais, je trouve qu'il manquait de réponses par rapport au tu sais, si t'as déjà une Switch, c'est correct. T'as des affaires de plus, puis tu le sais qu'ils travaillent là-dessus. Mais je pense que pour les gens qui ont pas de Switch, comme moi avec Xbox cette année... Si j'avais pas de Switch présentement, je regarderais ça, puis je ferais comme, ben non, c'est pas le temps encore. Je vais attendre qu'il y ait un heavy hitter. Puis si ce qu'il y a eu auparavant, t'as pas convaincu séduit, déjà, ben, c'est ça. Là, c'est pas, ça c'est pas cette conférence-là qui va te séduire. Pas en tout. Vraiment t'sais. Pas. Surtout qu'ils mettent tous leurs œufs dans le panier de Smash qui est déjà sorti sur Wii U, puis que les gens connaissent déjà très bien. Même les gens qui n'avaient pas de Wii U savent très bien ce que c'est Smash, parce qu'il y a tellement eu de trailers de Unveil the Character que Chris, le monde sait c'est quoi. Là. On n'a pas besoin de passer une demi-heure là-dessus. Mm. Fait que moi, c'était une très, très, très, très grosse déception. Puis c'est venu me chercher au bout. J'étais comme tabarnak. C'était lourd, c'est un moment donné. Ça sentait lourd. C'était vraiment lourd. T'sais. C'était bien trop détaillé. Oui. C'est ouais, son propre affaire. Là, l'affaire qui m'a le plus excité dedans, c'était Fortnite. Puis j'aime pas ça, Fortnite. C'est fun. Mais Fortnite. Ça m'a excité parce que, genre, mes kids, ils arrêtent pas de m'achaler pour jouer à Fortnite. T'sais. Puis je lui dis, ah non, Fortnite, c'est un peu trop intense. Puis, tu sais, je veux rien savoir. Mais là, Chris, ils l'ont. Fait que là, j'étais comme, bah, c'est cool. T'sais, c'est cool qu'il y ait ça. Puis, tu sais, Mario Party. Ça a l'air le fun. Mais t'ajoutes pas ça tout seul. Mais non, c'est ça. Tu sais, je trouve qu'il n'y avait pas le heavy hitter. T'sais, moi, je m'attendais à avoir, genre, mettons, un nouveau Wario. Ou, ouais. Genre, je sais pas, moi, Luigi. Ben, il est dans Smash Bros. Super Wario. Punch Out, Chris. Mais je m'attendais de voir un Punch Out. Star Fox, je m'attendais pas à le voir pantoute parce qu'on l'avait vu dans Ubisoft. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ma déception. Puis, c'est un gros morceau, hein. C'est un gros morceau. Il nous en reste deux. Il reste André puis il reste I feel you, Bruno. Les déceptions. Yes. Moi, j'ai un deux mots à puis dire moi, de plus. Moi, je vais dire ma déception très vite. Puis c'était juste que je m'attendais. Moi, ça fait très longtemps que j'entends les rumeurs qui courent que Rocksteady travaille sur un jeu Superman. Oui. Puis on le sait qu'ils travaillent sur un jeu Superman. Ils l'ont même teasé. Tout est là. Ouais. Puis j'étais déçu de ne pas le voir. Puis s'il y a de quoi que j'ai hâte de voir, c'est un take sur Superman de Rocksteady. C'est juste que c'est tellement large que c'est tough, je trouve. J'ai juste Smallville en tête, moi. C'est le dernier bon... c'est weird à dire, là. Le dernier bon jeu de Superman que j'ai joué, il était même pas si bon que ça, mais il était fait par fucking EA Tiburon, man. Quand même. Les gars de Madden. C'est au Xbox. Ils ont fait le jeu sur le film Superman Returns. Qui est très potable, mais à un moment donné, ça devient très redondant. Ouais. Mais si tu veux voler à l'entour de Metropolis puis fucking speedy... C'est ta seule option. C'était ça, c'est ça. C'est ton seul choix. fait que pour moi, j'avais très hâte de voir Rocksteady faire leur touche qu'ils nous ont réussi. Puis là, je m'inquiète un peu que Warner s'inquiète de la sortir, je sais pas pourquoi, mais ça m'inquiète un peu que peut-être ils sont pas en train de livrer. Ouais. Mais, Warner, j'ai hâte de voir la suite. Là. Warner, l'année passée, avait pas de démo jouable sur le plancher de Shadow of War. Fait que, tu sais, ça veut pas nécessairement dire que c'est vraiment... Mais Shadow of War aussi, je veux dire, je l'ai sur... C'est le premier jeu que j'ai acheté sur ma Xbox One X. J'ai dépensé 95$ sur ce petit jeu-là, puis je l'ai même pas fini. Peut-être que je devrais le réessayer sur le Keto. Ouais. On va voir. Keto Focus. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Rocksteady sont en train avec Superman. Oui. Puis je suis un grand fan de Superman puis tout ce qui est Superman. Fait qu'à cause de ça, c'est ma plus grande déception de pas avoir vu qu'est-ce que Rocksteady fait avec Superman en ce moment. Parce qu'on va se dire les vraies affaires. Les Batman de Rocksteady sont mentales. La fucking bombe, ouais. Sont le fun. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Oh, moi, j'aimerais qu'ils fassent tous les super-héros à source Batman. Absolument, absolument. Ben, fuck that, Batman. Prenez tout. La manière qu'ils ont apprêté Batman, Flash. C'est mieux que qu'est-ce qu'on a vu, même DC réalisé au cinéma. Puis c'est facile, ça. Ouais. Il y a bien des YouTubers qui font des meilleurs affaires. C'était Batman, tu sais. Avant que Spider-Man sorte, là, Spider-Man, je pense qu'il va tout lancer. Il va remettre les pendules à l'heure à Spider-Man, mais Spider-Man, c'est le premier super-héros, je trouve aussi, qui s'est bien apprêté au jeu vidéo. Il est parfait pour un jeu vidéo. À cause du jeu de Neversoft. Ouais, c'est vraiment l'exemple. Je trouve principal. Ouais. Mais Superman. Maximum Carnage au Super NES, man. T'sais, on peut aller dans les Justice League, les Batman Returns de Superman. Il y a des bons side-scrollers. Batman Returns. Ouais. T'sais, quand t'apprêtes les super-héros à des side-scrollers, tant qu'il y a une bonne histoire, puis tu beat them up un peu, c'est fun. Mais la profondeur d'un personnage n'a jamais été faite comme que Rocksteady quand ils ont sorti le premier Batman. C'est vrai. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. En parenthèse, par contre, le Batman de EA. Du film Batman The Dark Knight Batman Begins quand même des concepts très intéressants, même si ça s'est pas livré à 100%, mais on dévarge on manque de déception un peu là. Déception. Moi je tiens juste à remercier, on a Akufen Studio qui est en train de nous raider que sa gang, ça vient de dropper welcome le Pogo Squad. Willy, attention, je suis sous, je vais peut-être jouer des jeux tantôt. Fait que thanks pour le raid, guys. Ma déception du E3, c'est weird cette année parce que je trouve le E3 au fil des années il se dénaturise un peu. Puis j'ai l'impression que c'était l'année où le E3 se cherchait le plus. Mm-hmm. Tu sais, c'était une année où... tu veux dire que le E3, il est mort, André? Non, il est pas mort! Non, mais il est pas mort! Long live the E3. Mais Chris, cette année, tu sais, les influenceurs weird, louches, tout le monde qui fait son propre IGN, GameSpot thing, ouais, avec leur propre monde de leur bar. Les formules weird de conférences. Ouais. Yo, me faire dire là, qu'on est dans la religion pis la church, là. Excuse, ouais, mais c'était fucking, ouais, awkward. Mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, c'était weird. C'était une année, on dirait, où ce que le 3, genre, c'est je sais pas, il jump son premier shark, poil pubien vient, ouais, d'arriver, puis il est comme, oh mon Dieu, je sais pas comment me sentir, pis dans mon corps de eat three jump de the shark this year. Mais... My God, non, mais c'est gros, qu'est-ce que tu viens de dire, là, parce qu'on va dire les mêmes affaires, les générations de consoles aussi, ils ont jumpé le shark. Ouais. Ah, clairement. Mais tu sais, c'était weird, puis on dirait, je suis resté un peu sur mon appétit cette année. Ouais. Hey, je suis habitué d'avoir de quoi de inatteignable, de super huge, le kit. Puis là, c'était comme Trailer Festival. Puis mm-hmm, des fois, il manquait un peu de viande autour de l'os. Mais, tu sais, somme toute, j'ai eu du fun. Ouais. Mais j'ai apprécié, tu sais, quand on a écouté la conférence d'Xbox ensemble. Puis... C'est que c'était le fun. On sauf que des bons deuils. Mais je pense que c'est à repenser, cette formule-là. Il faut vraiment qu'on revienne à un beau show vieille, monté. Guys, là. Ça Microsoft sera... vont acheter le E3. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois que eux, c'est les seuls qui croient encore à ce, ouais, qu'on est habitué à depuis des années. Ben, tu sais, t'as EA qui back off, pis genre, on va faire notre propre affaire. Là, t'as Ubi, on va faire notre propre, ouais, affaire, ouais, mais on va rester, on n'est pas sûr. Là, t'as Sony, ouais, on va juste mettre des trailers, pis ouais, fuck it, tu sais. Microsoft qui est comme, remember what we used to do, guys? World exclusive! Exclusive. Console exclusive. Console launch, ouais, exclusive, as a service. Oh, oh non! Mais Microsoft, ils sont rendus un cliché d'eux-mêmes dans, oui, oui, oui, dans ça. Puis ils l'assument, par exemple. Oui. Fait que c'est drôle. Mais je pense que c'est peut-être ça, oui, qui a fait que cette conférence-là est venue me chercher. Mais tu sais, à la limite, là, je suis rendu à un point tel où je regarde ça et je me dis, suis-tu relevant dans l'environnement du E3? Puis ça s'adresse à moi maintenant. Oui. Tu sais, je pense pas que ça s'adresse à moi maintenant parce que, mm-hmm, je sais pas, tu sais, c'est pas moi qui tripe de techniquement... Mais on dirait que même eux autres le savent plus. Quoi. Ben, c'est ça. Ah, ils savent clairement plus. E3, la faute aux millennials. Approche environ 25 années maintenant. Ouais. Puis on est dans un monde différent. Puis comme que dans les années 90, où ce que au CES, le monde était comme les jeux vidéo vont prendre trop de place, on a besoin de notre nouvelle affaire. J'ai quasiment un feeling que ça devrait juste fucking merger dans une affaire weird. Où moi, je pense que le 3 devrait être dans Fortnite. Non, le E3, c'est réglé. Mais je te dis, le E3 va être une exclusivité mixer dans 5 ans. Peut-être. Non, mais t'es un bon point. Je t'ai comme fait une joke, mais c'est vrai. Effectivement, au début, le 3, quand ça a commencé, c'était un salon pour convaincre les acheteurs comme Walmart, exact, Best Buy et, ouais, tout, ouais, d'acheter ce jeu-là, de commander 1 million de copies de ce jeu-là et pas de la compétition. C'est devenu un événement médiatique. Ouais. Puis dans les 5, 6, 7 dernières années, c'est devenu un événement aussi grand public où est-ce qu'on t'sais, finalement, on parle plus aux journalistes, là, t'sais, on est comme, word, hey, le crowd. Tu parles aux gens directement. Ils ont essayé de split à un moment donné avec le E3 for Everyone et le E3 ça, pour les ça, c'était un bel échec, ouais, aussi. C'est un énorme échec. C'est le E3 presse seulement dans l'hôtel. Ouais, là, c'était... des affaires weird comme ça. Puis on a des... Il y a des... C'est quoi l'affaire? Si j'oublie en ce moment... Mais les affaires qui se passent à Boston, là, les... Ah, t'as les PAX, PlayStation, comme ça, qui sont là. Les affaires qui se passent pas à Montréal, mais qui devraient... Les Bzieg, Tokyo Game Show, tout, oui, le kit. Moi, je trouve c'est juste que, tu sais, je sais pas, le nombre de surprises qu'on avait avant au E3 versus... C'est peut-être nous autres qui est trop renseignés. Mais ça coûte cher faire des jeux à cette heure. Hein? Ouais, il n'y a plus autant de surprises. Là. T'as plus d'informations tout disponibles partout aussi. Fait que, avant, on lisait des revues qui sortaient un mois après le E3. Là, on a des vidéos qui sont leakées un mois avant le E3. Il y a peut-être la dualité du marché où maintenant, on paye facile pour avoir des jeux en early access avant même qu'ils soient finis. On s'excite sur un teaser de Elder Scrolls que c'est juste... Un PowerPoint. C'était un render d'une prise de montagne avec un titre qui apparaît. C'était le Metroid Prime 4 de l'année passée. C'est l'année passée, tout le monde était comme Metroid Prime 4, ça va être malade. C'est comme, dude, c'est un PowerPoint. Il est même pas là cette année, tu sais. Je sais pas, tu sais, regarde, moi, ma déception, c'est ça, c'est qu'on dirait que je me désenchante du E3 tranquillement, pas vite. Puis j'ai pas le goût, parce que j'ai le goût que ça reste beau dans ma tête. Oui. Ça reste un beau moment par année. Ils vont tous regarder ça cette année. Matière réflexion. Moi, j'aime ça. Exact, exact. Puis je suis confiant qu'ils vont retrouver une formule. C'est comme Noël. Il y a des Noël où est-ce que mon oncle Marcel, il est sous pis s'en faire dans le sapin. Puis l'année d'après, ben tu reçois une nouvelle console. T'sais, tous les Noël sont pas égaux. Exact. Tous les Noël ne sont pas égaux. C'est bien dit. Je veux juste glisser de quoi avant, moi, que j'ai oublié dans ma déception. Je l'ai comme spoilé avec Skate 4. Le Milton Effect qu'on appelle. Il y a un autre affaire que j'attendais beaucoup puis que je suis déçu, puis je sais qu'il y a des gars, deux en particulier de Capcom Vancouver, qui écoute des fois notre podcast. Il m'avait écrit la dernière fois parce que je parlais de ça. Dead Rising 5. Ouais. J'y avais aucune nouvelle. Je le sais qu'ils le font. J'étais juste très fucking déçu. Oh, c'était pour moi. We're not announcing that today. Ben, c'est ça. Fait que, j'espère juste qu'ils gardent ça pour quelque chose d'autre. Parce ouais, que je pense qu'ils sont en train de repenser à la licence. Un peu loin. Même, probablement. Parce que le dernier n'a pas eu les ventes qu'il aurait espéré. Maître Frank, toi, je l'ai aimé. Ouais. Mais comment dire ça? Moi, c'est le seul Dead Rising que j'ai fini. Oui, mais je le trouve très le fun. Il y a plein d'affaires le fun. Il y a des affaires qui manquent. Mais l'affaire, c'était juste Noël. Ouais. C'est pas le bon marketing à prendre pour aucun jeu, genre. Non, pis moi, non, on parle pas là-dessus. On rap up, on rap up. Boom, bon nucléaire! Ok, faut. Ok, guys, honnêtement, moi, j'ai vraiment apprécié partager le micro avec vous autres à ce moment. Eh oui! Honnêtement, ça faisait longtemps qu'on en parlait en maudit de ce crossover-là. Puis c'était vraiment cool. C'est vrai. Je pense qu'on devrait le refaire. Eh oui, on va le refaire. Qu'on ait une table ronde, parce que moi puis Bruno. J'ai un rêve qu'on discute. Oh, je pète souvent. En fait, je pète moins depuis que je suis le keto. Keto superpowers! Mais j'aimerais un jour qu'on fasse un show où qu'on discute sur qu'est-ce qui est une critique de jeux vidéo. Oui, des oui, c'est vrai, on avait parlé de ça. On avait parlé d'un genre de crossover vraiment longtemps qui n'avait jamais arrivé. On devrait juste parler sur c'est quoi, qu'est-ce qui devrait compter dans les scores de review de jeu. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de conversations à avoir là-dedans. Clairement. En passant, Halo 5, 10 sur 10. Puis, moi, je suis d'accord avec ce sujet-là parce on s'entend que ce sujet-là, il y a tellement un impact, surtout dans l'ère d'Internet, dans l'ère de tout. Il y a des jeux qui réussissent pas à cause des reviews, mais qui devraient clairement réussir aussi. Ben oui, c'est sûr. Je pense que ça, c'est un méchant bon. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, Bruno, il a pensé sur une belle brosse Arcade MTL. Ben ça va arriver un jour. L'effet, la kétose et de Arcade Montréal. Quand tu y penses, dans le fond, une review, c'est comme un loot box coin. Ça a la valeur que tu veux y donner, puis ça donne ça vaut et absolument voilà, rien, ça mais pour le c'est show, personnel. Ça pour le show. Guys, all right, let's wrap this up. Comment c'est ça? On rap, on rap. Exact. Rap. Bombe nucléaire, mais nous autres, on dit au revoir. Ouais, c'est ça. On dit au revoir à chacun. Ah, c'est ça. Ok, vous autres, c'est ça. Vous avez la bombe nucléaire. Oui. Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'on a mis nos explosifs. Les nouveaux chips bleus. Ouais, c'est ça. Bruno, où est-ce qu'on peut te voir? Ah ouais, venez me voir toutes les semaines à Musique Plus, Monsieur Net, 19h30 du lundi au jeudi, avec Denis Talbot et toute sa bande. Puis aussi, c'est ça, Twitter @BrunoGeorget. Venez me voir sur mon site web brunogeorget.com, mais ça c'est plus professionnel, c'est pour de la job. Design graphique, si t'en as besoin, brunogeorget.com avec la grosse face de Milter. Puis c'est ça, that's it. Excellent. Monsieur Fred? Ben écoute, moi je suis pas très présent sur les internets parce que je suis comme un vieux bat là, qui aime pas ça, les technologies pis tes affaires, c'est pas vrai. Non mais écoute, à part à Rétro Nouveau, sinon Rétro MTL, pour tous tes besoins de jeux vidéo rétro. La meilleure petite boutique en ligne de jeux vidéo rétro, des fois on fait des événements, Eric nous a aidé dernièrement. C'est écœurant, pas ça. On l'a graissé en Mountain Dew. Le Mountain Dew, c'est notre façon affectueuse d'appeler le Xbox. Oui. Donc, le OG Xbox. À part là, je te dirais que sinon, je travaille et j'essaie de faire des affaires de ma vie. Mais tu travailles sur quoi, là, présentement? C'est pas annoncé. Oh. Je dirais, j'aime toujours dire que je travaille sur Duke Nukem Forever 2. Mais pendant un moment, Bruno croyait vraiment que je travaillais sur Duke Nukem Forever 2. Donc, j'étais comme, mais attends, là, pour vrai, là, je suis un peu j'arrête de faire ce gag-là parce que j'ai peur à m'amener de me ramasser dans le bureau des HR pour dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, arrête de dire ça. C'est ça. Milter, les gens qui voudraient interagir avec toi? Si vous voulez interagir avec moi, vous pouvez aller sur Facebook. Je suis pas bloqué pour l'instant, fait que ça va bien. sinon, il y a quoi d'autre? C'est quoi chez là? J'ai rien d'autre, moi, dans le fond. Tu peux aller me voir sur YouTube si tu marques Edgefest. Sébastien Benoît, 1998. Oui, c'est vrai. Il y a une entrevue avec moi, fait que... Flash! Calvaire. Edgefest Flash 1998, première vidéo qui sort. Boum! Ah ouais. Je suis le gars aux cheveux blonds. Des merci, cheveux. Cheveux blancs. J'avais des cheveux. Eric, les gens qui voudraient interagir avec toi? Ben, une fois par semaine, les vendredis, je suis Arcade MTL en train de faire des tournois et des jeux. Bois de la bière. Smash Bros. Ouais. Ultimate va être une grosse affaire bientôt. Keto, plus de bière. Absolument. Et je suis sous Fact Review. J'aime le plugin ces temps-ci parce que je reçois bien du bon commentaire. Ben oui. Tu joues à des jeux, je pense. Hein? Des fois, mais des fois, je fais juste dire de la merde sur la brosse. Puis c'est pas mal ça. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Shout out à Willy qui nous a raid. Content que tu raid avec un podcast de Mononc, Willy. Nice. Il comprend pas pourquoi j'ai un chapeau de Nintendo. Alors Willy va la comprendre, on l'aime bien Willy. Puis pour les gens qui voudraient interagir avec moi, mon nom c'est André Paquette, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sinon Uzumaki QC sur Twitter, Instagram, Xbox Live, PSN, Steam, Discord, puis toutes les places de même. Et sinon, nous sommes Geek Collectif, le podcast, une balado-diffusion québécoise francophone sur la culture populaire et impopulaire. Ben, il y a les petits logos à ma gauche, votre droite, peu importe. Donc, facebook.com/geekcollectif, le podcast. Sinon, @geekcollectif sur Twitter et sur Instagram et geekcollectif.com. Guys, Rétro Nouveau, on suit ça où, Rétro Nouveau? RétroNouveau.ca, tout est là. Tous nos épisodes sont là. Tout nos mensurations, notre nouveau groupe sanguin. Rétout Nouveau. C'est ça, c'est un podcast sur les jeux vidéo de toute génération. Fait qu'il y a deux nouveaux, deux rétros. Fait qu'il y a deux gars qui parlent très next-gen, deux gars qui parlent très rétro. Puis un gars VR. Un bon mélange. Puis il y a un gars de VR aussi, GF, qui est notre réalisateur et qui est aussi notre gars de VR puissant. Donc c'est ça vraiment, on couvre pas mal de tout. Puis c'est une conversation amicale entre chums. C'est toujours bien sympathique. Puis on meurt toujours à la fin. Fait que... Spoiler à chaque fois. Ouais, mais à chaque fois on meurt à la fin. Fait que si vous voulez découvrir comment on meurt à la fin de chaque épisode, toujours avant des bons punch. Ouais. Donc c'est ça, découvrez ça là. Il y a ça en, il y a ça en format vidéo et il y a ça en format audio. En direct. Suivez-nous en direct sur Twitch aussi. Les mardis soirs, une semaine sur deux à 20h sur Twitch. Suivez-nous. Sinon RétroNouveau.ca pour avoir toutes nos vidéos, toutes nos archives, tout le kit. Fait que c'est ça. Un gros merci aux gens qui nous ont follow ce soir aussi également. On parle de My God, RDP qui nous a envoyé 95 bits. Thank you. On a Stimpy Pro qui nous a follow. Moto 2002. On a Marre de Morte. On a Grixus QC. À Kufen, j'aimerais ça spécifier que non, j'ai un lift direct chez nous par Fred. Est-ce chanceux? Parce que je m'attache. Fait que ça risque d'être chez nous dans pas long, ça brosse. Fait que guys, un gros merci aux gens qui nous ont followé ce soir. Un gros merci aux gens qui étaient là pour notre crossover. C'est un épisode qui était vraiment le fun pour nous autres. Puis on a bien hâte de pouvoir vous le rendre en ligne. Ça va être disponible sur le flux RSS de Rétro Nouveau et également sur le flux RSS de Geek Collectif. Donc sur ce, guys, premièrement, je m'en allais closer le show, mais un gros merci à Guillaume qui était dans l'ombre ce soir, qui est avec nous autres, qui est avec vous autres sur le chat, qui vous a alimenté. Fait que Guy, t'as-tu un petit mot avant qu'on close ça? Yes, à bientôt. Willy, on fait ça tantôt. Excellent, guys. Fait que sur ce, ben à bientôt. Un gros merci. Puis on va se laisser sur le soundtrack de l'école de ski sans voix en l'air. c'est fidèle à nos habitudes. On a une belle playlist aussi pour les Ninja Hacks. Qu'on va mettre bientôt. Donc, guys, un gros merci. Ayez du fun. Et sur ce, ben on se revoit super. Donc, ça ressemble à ça. Fait que l'école de ski s'en va à l'air avec du Devious. Ciao, ciao, guys. Ciao. Gary Newman. Salut. Et on s'en va. J'adore Willy. Il a dit quelque chose à foutre le flux RSS, l'autoroute du futur. On est-tu muté? Là, on est muté, effectivement. Là, on est muté. J'ai hâte de guys, 3 heures. J'ai hâte de voir le champ de Grover. C'était bon, man. C'était bon, c'est bon show. Ouais, c'était vraiment nice. Je vais juste arrêter le rec. Ben, on se connaît et on